Retro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 22e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, Nick? Ouais, ça va bien, toi? Ouais, pis toi, JF, ça va? Ben ouais, vous autres? Ouais, pis Dom? Dom? Dom n'est pas là. Ça, c'est la musique de Dom qui n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Dom n'est pas là. Dom est malade ce soir. Ouais. En fait, si vous voulez voir ce qui est arrivé à Dom, vous pouvez écouter notre dernier épisode TV, notre dernière web télé qu'on a faite. La finale, c'était exactement ça. C'est ce qui s'est passé à Dom aujourd'hui. Ouais. Overdose de Doritos, diarrhée explosive et tout le tralala. Tout à fait. Ouais. Fait que oui. Fait que en tout cas, Dom, on pense à toi. Ouais, puis Dom, d'ailleurs, avant de commencer, tu manques ces belles nouvelles caméras HD qu'on a maintenant, trois angles. Alors c'est magnifique. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, mais présentement, vous voyez le deuxième angle et vous voyez maintenant Nick en gros plan comme ça. C'est tellement propre. Gros plan alors, HD. On est dans un autre univers maintenant. Là. D'ailleurs, je tiens à souligner, côté technique, là, ce soir, toute la musique a été sélectionnée par Papa Cassette lui-même. Oui, ouais. Brille par son absence ce soir. Oui, brille par son absence. Il a fait exprès, hein, pareil. Ouais, tu sais, on fait tout ça dans son local. Ah ouais, c'est ça. Sa musique. Il devient omniprésent malgré son absence. Là, vous aurez compris ce soir, un épisode 100% rétro. Oui, exact. Ouais, on se donne à fond. On parle du Atari WonderSwan Color. Exactement. Quoi d'autre? On va parler des vendeurs de jeux usagés, ouais, évidemment. Ouais. On va parler des arcades. On va parler, mais surtout des arcades très obscures. Puis à soir aussi, un gros spécial sur le Vic 20. Ouais. Alors, une compilation. Oui. Top 150 meilleurs jeux Vic 20. Yes, ça commence maintenant. On reçoit Vic lui-même ce soir. Oui. Et ses 19 enfants. Oui. Fait il y a son cousin Coco 2 aussi qui attend à l'arrière. Aïe, aïe, aïe. Ben non, on fera pas ça. Non. On fera pas ça. On s'ennuie trop de Dom. Et puis, on a besoin qu'il soit là avec nous. Mais vu qu'il est pas là avec nous, à soir, on va faire un spécial nouveau. Ouais. Fait qu'à soir, ça sera quasiment pas rétro. Ça va être plus nouveau. Ouais, exact. Et pour commencer ça, par exemple, moi puis JF, on est allé à Ottawa. Ottawa, oui. On est allé à Ottawa, puis on est allé au House of Tarts. Oui, pendant que nos blondes couraient, nous autres, on a gamé, puis on a bu de la bière, en fait. Oui, on a biéré. Pendant que les filles dormaient, on a biéré, on a bien fait du bon mélange. Complet, ah, tout le yin et yann. On était dans un bed and breakfast, puis la propriétaire nous regardait bizarre avec nos bières quand on est rentrés. Vous ne courez pas demain? Non, pas nous autres. Il y avait quand même un peu. Il y a comme un malaise un peu. Oui, il y avait un malaise. C'était comme un bed and breakfast de coureurs, mais on était deux qui couraient pas là-dedans. On était les deux slackers. On a cochonné le balcon, on a renversé du popcorn partout, de la bière, let's go. Ben oui, belle virée. C'est l'équivalent du gars qui va manger du McDonald's en face du gym. Oui, ouais, même que j'ai fait quelque chose pour la première fois de ma vie dans ce bed and breakfast-là. Ouais, j'ai mangé un Doritos dans le lit. J'avais jamais fait ça de ma vie, manger des Doritos dans un lit. Okay. J'ai fait ça, puis j'étais bien content. Mais ma blonde dormait. Elle disait, je suis tellement brûlé, je ne les entendrai même pas. Finalement, elle les a entendus, elle les a sentis. Ouais. Fait que c'est une expérience du passé. Je pense pas que ça va revenir. Tu l'as fait, c'était sur ton list avant de mourir. C'est ça, c'était sur mon bucket list, voilà. En fait. Manger des Doritos au lit. Mais en fait, je veux manger des Doritos dans tous les... les endroits possibles. Ouais, tous les univers possibles. C'est très important. Tu as essayé dans un avion? Pas encore. J'ai très peur de prendre l'avion, moi. Okay. Fait que c'est pour ça. Peut-être que si je prenais des Doritos, ça serait mieux. Je pense que ça pourrait aider. Oui. Un petit orange, là, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose. Tout devient plus facile. Tout est spécial quand on mange des Doritos. Mais c'est ça, on est allé au House of Targ. Oui. House of Targ qui est, si vous avez pas vu, dans le fond, on avait fait un topo vidéo là-dessus. Oui, allez voir ça dans les archives, je pense. Oui. De Rétro Nouveau TV. Exactement. On avait fait un village Ottawa. Et puis, on était allé à Ottawa, puis on était même avec les Power Chasers. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, il y avait de nos amis dans la scène, dont, entre autres, Guillaume Couture de Je joue le jeu. Et puis, on était allé dans cette arcade-là qui nous avait vraiment comblé, mais l'arcade de House of Targ était à ses débuts. Oui, c'était vraiment les premiers mois, première semaine même, je pense, de l'arcade. Ouais. Ça faisait vraiment pas longtemps qu'il était ouvert, puis... C'était il y avait certaines choses qu'on avait aimées, mais peut-être aimées un peu moins. Puis à ce moment-là, même Dominique avait pas son espace d'arcade. C'était pas non plus ce que c'est aujourd'hui qu'on connaît puis qu'on admire et qu'on adore énormément. Fait que à ce moment-là, on n'avait pas vraiment de comparatif. Ouais. T'sais. Fait que là, on était allé à cette place-là. On avait aimé ça, on avait aimé la bière, on avait aimé le fait qu'ils vendent des pierogies en même temps aussi. On avait aimé le gars qui call les pierogies, ouais, qui sont prêts dans un micro qu'ils ont dans la cuisine, genre. C'était que... Your pierogies are ready! C'était malade, là. C'était très cool. C'est un genre il t'appelait par ton nom, tu sais. C'est comme toi, il dirait « Nick, your pierogies are ready! Ah » ouais. Pendant que t'es en train de jouer, tu sais. Tu lâches ta game, puis tu vas chercher un... C'était cœur, hein. C'est un genre de bar de musique. En partant, je pense, c'est plus un bar de musique avec des arcades dedans, mais il y a comme 40 pinballs là-dedans. Là. C'est fou. Il y a des pinballs. Oh, oui, il y a une grosse rangée de pinballs à ta droite quand tu rentres. C'est ça, c'est la grosse spécialité en fait de la place, c'est qu'il y a beaucoup de pinballs. Il y a un mur que c'est des pinballs, puis il y a un autre mur que c'est des arcades. Puis c'est ça, nous autres, au moment où on était allés, ça commençait. Puis là, quand on est revenu, ils ont vraiment, vraiment amélioré leur offre. T'sais. Maintenant, c'est sûr que tu sens que ça reste une place pour des bands parce qu'il y a un stage au milieu, puis à chaque soir, il y a un band qui joue là. À chaque soir, en fait, à 9h, à partir de 9h, il faut que tu payes un cover de 5$ si tu veux rester dans la place. Okay. C'est quand même raisonnable, 5$. Pour voir un 2015, band, plutôt. Ouais, c'est vraiment bien. Ah ouais, ça paye même pas son gaz. C'est ça. S'il vient d'Oshawa pour aller à Ottawa. T'sais. C'est super raisonnable. J'ai trouvé ça le fun aussi, comment le gars, parce que le gars justement de Your Pierogies Are Ready callait encore que tes pierogies étaient ready, mais maintenant, il faisait ça avec une voix robot. Exemple. Il y a comme un modulateur de voix. Your Pierogies Are Ready. Fait que tu sais, là, il disait, entre autres, il disait que si... paye ton 5$, il est 9h, fait que paye ton 5$, puis si tu veux rester, paye ton 5$, mais si tu veux pas rester, finis ta game, puis va manger de la crème glacée, genre, il disait comme amicalement, tu sacrais ton cœur. Ouais, mais c'est ça, bref, nous autres, on est arrivés là-bas, on a joué à une tonne de machines. On a joué pas mal, on voulait pas rester longtemps, puis on a passé la soirée-là, finalement. Ouais, une tonne de machines, il y a bien des nouveautés qu'on a vues cette année là-bas. Il y avait vraiment beaucoup de nouveautés, il y avait plus, moi j'ai trouvé qu'il y avait plus de machines à 25 cents qu'auparavant, il y a 25-50 cents, parce que les pinballs, c'est ça le problème, les pinballs, il y en a beaucoup à une pièce, puis ça, c'est trop, des games à une pièce. Cher, ça va vite, hein? Pinball, là, ouais. Mon souvenir. Était que c'était vraiment fait pour... Ton souvenir est bon, je pense. C'est violent. Je me suis découragé des pinballs vraiment rapidement. Non, là, je barre les pinballs de ma liste, je pense. Ouais. Mais moi, il y en a une couple qui m'accroche tout le temps, puis que je reste, puis je continue à y jouer parce que ça marche. La pinball là-bas, la pinball de Star Trek était écœurante. J'ai joué à la pinball de Walking Dead, qui est très bonne, cool. Très balancée. Sound, j'imagine, c'est incroyable. Non, elle est vraie, vraiment, vraiment bonne. Mais c'est ça, c'est quand même un mange-pièce parce que ça coûtait une pièce. Mais l'expérience est vraiment le fun. T'as entre autres le gros bonhomme qui est coupé en deux, qui sort du puits. T'as la grange à Herschel. C'est vraiment bien fait, basé sur la télésérie. Oui, c'est basé sur la télésérie. Elle était bien celle-là, ouais. C'était vraiment cool. Il y avait celle-là que j'ai trouvé le fun. Celle-là de Roller Games est excellente. Ouais. Ouais, Roller Games avait une machine à boules. Super bonne. Il y en a une nouvelle qu'on a essayée, moi puis JF, puis c'était comment ça s'appelait? Tu parles-tu de Hyper Ball? Oui, Hyper Ball. Si quelqu'un dans le chat peut m'expliquer c'est quoi cette machine-là, j'en suis très reconnaissant. J'ai tellement gaspillé des 25 cents là-dedans parce que je comprenais pas comment ça marchait. C'est un genre de machine de pinball, mais t'as comme deux manettes dans chaque main qui sont contrôlées, sont en simultané. Fait que tu bouges à gauche, ils vont bouger à gauche les deux. Puis dans le fond, ce que t'as à faire, c'est qu'il faut t'épeler des mots. T'as des trous de chaque côté de la machine qu'il faut que tu vises tes balles dans les trous pour faire les mots. Mais ça va tellement vite que tu perds ton 26 cents à chaque fois. Là. Pis c'est difficile là parce que quand même, la distance est assez importante entre ton gun à boule et tes lettres. Fait que c'est très difficile. T'sais, t'as 26 lettres, là, fais juste faire le compte là, à l'intérieur t'sais, d'un pied de distance à peu près là, de largeur. Là. Ouais, fait que 26 c'est trous. Tough, mon gars. Fait que c'est ça, on a perdu beaucoup d'argent. Quelques 25 cents dans celle-là. Celle-là, ça a été très frustrant. Ils ont aussi eu une nouvelle machine qui était comme une espèce de machine de billard. Pas de billard, de bowling. Mixé avec une table de Mississippi un peu. C'est les quilles flottent dans les airs. Puis tu lances une genre de rondelle en métal comme au Mississippi. Puis c'est des détecteurs en dessous qui regardent si t'as fait des abats ou pas. Fait que c'était bien ça comme une nouvelle machine. Ouais, puis les quilles levaient. Ouais. Non, c'était un bon feeling. Puis c'était le fun parce que la game durait longtemps. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Là. Ça durait vraiment toute une game de bowling. Là. Pour 25 cents, celle-là, c'est d'ailleurs. Des jeux de foire, là, dans le fond. Là. Oui, exactement. Dans un arcade mobile, là, ce genre de jeu-là. Mais ouais, vraiment de luxe, par exemple, celle-là. Ouais, celle-là, la bowling était de luxe. Là. Ah ouais, c'est pas, des c'est pas mal la plus récente qu'ils ont. Je pense que celle-là, Walking Dead, puis la pinball de Metallica, c'est les machines les plus récentes qu'ils ont. Récentes en termes de fabrication. Il y avait un Iron Man en pinball aussi. Oui, Iron Man assez récente aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'était l'image des films, fait que ça devait être assez récent c'est vrai quand que c'est même. C'est assez récent, ça. Mais c'est ça, il y avait ça. On a joué, il y avait une. Ils ont beaucoup de machines d'arcade sur table. Mm-hmm. Ouais. Puis entre autres, il y avait une Red Tent, comme j'ai su qu'on l'appelait. C'est comme une espèce de machine. Il y a quatre écrans, deux d'un bord, deux de l'autre. Puis c'est des petites stations avec deux joysticks puis deux boutons. Puis c'est une. C'est un cabinet des jeux Nintendo. Ouais. Nintendo. Ouais. Fait qu'on a pu jouer à Ice Climber à deux avec un joystick qui est très très tough. On s'est rendu c'était compte. Vraiment là, tough. Il y avait Mario 1, je pense. Ouais, il y avait Mario 1. Il y avait Excite Bike. Ouais. Puis il y en avait un qui était. Puis il y avait Goonies. Qui fonctionnait pas Goonies. Il fonctionnait pas. Mais c'était vraiment. C'était le fun de jouer ça, à ces jeux-là ensemble, tous les deux. Ça, on a vraiment eu du fun comme Excite Bike. C'était vraiment cool. Puis justement, les parties duraient quand même assez longtemps. Puis c'est pas de jouer avec un joystick à ces jeux-là sur une machine, c'est vraiment différent que de jouer sur la NES. On a joué aussi à Track and Field sur une table. Le Track and Field avec Qu'est-ce Mario. Ah ouais? Oui, c'est parce que c'était Mario. Puis j'ai même mis une image sur le Facebook. Mario de sexy avec des petites cuisses et des petites shorts. Là. Eh oui, il y a des petites shorts roses, puis il est sexy, puis il y a une petite moustache. C'est des arcades japonais, genre, qui ont importé? Je pense que oui. Ouais. Parce que c'était vraiment des tabletops, ça, par exemple. Ouais. Fait que tu faisais juste piocher sur deux pitons pour avancer le plus vite possible, puis c'était pas mal ça le jeu. C'était là. Rough, là. C'était vraiment difficile, mais on a joué quand même un bout. Il y avait ça, les gros hits de la soirée. Entre autres, il y avait Point Blank. Point Blank, on a eu vraiment du fun. On a fini le vieux classique de shooter. On a fini le jeu à deux. Là. C'était vraiment malade. Cool. Ça a-tu bien vieilli, ce jeu-là? Parce que oui, parce que c'est tout le temps le fun. Le gun a quand même un recoil, fait que c'est le fun. Tu sentais le feedback. Les jeux sont quand même le fun. Ils sont pas de light cheap. C'est des mini-jeux. Tu sais. Les mini-games, à deux, c'est vraiment compétitif, surtout quand tu as juste une balle. Là. Ah oui. c'est le fun, dans le fond. Pour ceux qui écoutent, le but du jeu, c'est simple. C'est que tu as vraiment des mini-jeux. C'est quasiment comme WarioWare, mais shooter. Fait que, tu sais, ils disent, admettons, tire sur la pomme. T'as une balle, puis t'as pas une autre chance. Tu pourras pas te reprendre, tu sais. Puis tu vois un gars qui shake, puis qui a une pomme sur la tête, puis t'as une balle, puis tu le tires, puis sinon, c'est fini, tu sais. Puis c'est ça, t'as ce genre de défi-là sans arrêt. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. Puis t'en as pour ton cash aussi, encore une fois. Ouais, c'est des machines qui fait que... Ouais, mais moi, j'avais des bons souvenirs de Point Blank. J'avais à mon arcade local à l'époque. Oui. Puis tu sais, c'est pour ça que je me demandais s'il avait bien vieilli. Je ne l'ai jamais revu, ce jeu-là. Puis, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment le fun. On a eu bien du fun. Sinon, il y avait un autre jeu shooter avec une carabine. C'était plus une arbalète, en fait. Ouais, je pense. C'était comme une arbalète. C'était comme Crossbow, le jeu, ça s'appelle. Ouais. Puis c'était tellement dur, ça n'a même pas d'allure. Là. Il y avait Crossbow, mais il y avait Chiller aussi dedans. Ah, je mélange. Ok, ouais. Fait que, non, mais c'est ça. C'est dans la même machine. Il y avait Crossbow. Okay. Puis, il y avait le jeu Chiller aussi. Si t'attendais, puis tu mettais ton 26 cents au bon moment, il y avait Chiller. Ah. J'imagine que c'était une façon de contrer les gens qui venaient faire des vérifications ou quelque chose, parce que Chiller, c'est un jeu hyper violent, où il y a de la torture. Ben, c'est un jeu où il y a de la torture, t'as des affaires horrifiques en avant de tout, puis il faut que tu tires un peu partout dans le niveau. T'sais. C'est vraiment inutile. Dominique en avait parlé dans notre épisode d'Halloween. Puis c'est vraiment stupide comme jeu, mais c'était ça. Là. C'était un jeu genre tu tires un peu partout. C'était plate. C'est juste qu'il y avait une carabine, c'était vraiment plate. Un autre gros hit de la soirée aussi, ça a été le Shmup Raiden DX. Ah, mais hein. Qu'on a fini au top des high scores, moi et Bruno. Ouais, ça paraît qu'on joue sur souvent. Les médias sociaux, ouais, c'est ça. On un petit peu vanté. Là. Mais tu vois que les gens sont pas habitués de jouer aux arcades régulièrement parce que les high scores, on a tous battu partant. Ouais. Pratiquement tous les machins ont des top scores tout le temps. Ah non, c'est ça. Là pour voir un show, ils sont un peu sous. Ils mettent une game, c'est ça. Ouais. Parce qu'avant la musique, il n'y avait pas tant de monde que ça quand on est rentré. Puis c'était la fin de semaine du marathon, fait qu'il y avait beaucoup de monde à Ottawa. Ouais. Fait que c'est vraiment, je pense, la musique qui est l'attrait numéro un de ce bar-là. Mais si t'es un fan d'arcane, c'est la place à aller à Ottawa. C'est là. Ça. C'est que je pense que les gens, il y a beaucoup de gens qui vont là et qui vont jouer par curiosité, mais tu sais, c'est pas des. On va pas courir après des high scores. Là. Les gens qui jouaient à Mortal ou à Street Fighter, ça durait pas vraiment longtemps. Là, mm-hmm. Mais c'est ça, il y a eu ça. Il y a, moi, un de mes coups de cœur, c'est vraiment la machine Targ, qui est la machine, dans le fond, qui a commencé le bar. C'est la première machine qu'ils ont eue. Puis c'est super le fun comme jeu. C'est comme une espèce de petit bolide. C'est comme un mélange de Dig Dug puis de, je sais pas, Rally X. Ou, ouais. Pas Dig Dug, Clou-Clou-Land. Clou-Clou-Land, ouais. OK. Puis Rally X. Moi, j'ai vu l'image un peu là, du jeu. Ça a l'air exactement comme tu décris. C'est là. Vraiment j'ai ça. J'ai jamais là, vu ça, ce jeu-là, en fait. Non. Là, maintenant, je vais aller voir un petit peu plus. Là, ça m'intrigue. Mais ce qui est le fun, c'est que tu as une manette. Puis la manette, il faut comme que tu donnes des coups dessus. Mm-hmm. Pour que ton char aille plus vite. Fait que, tu sais, c'est comme à gauche, à droite, en haut, en haut, en bas, en bas. Fait que, tu sais, il faut que tu aies vraiment des réflexes rapides. C'est super le fun. C'est vraiment un jeu très simple, mais qui est super le fun. Fait que, en gros, vraiment des super bonnes machines. La bière est pas chère. Il y avait des King Can, ça coûtait 6$. Fait que c'était vraiment très bon. La bière pas chère, plein d'arcade, le cover à 5$ pour oui, le show. Oui, super, là. Puis, en plus, bonne, en plus hein? C'est ça, ce soir-là, il y avait le band Metallian, qui est un band qui fait de la musique un peu à la Iron Maiden. C'est un band metal de Montréal. Je l'ai comme appris le soir du show. On était là, puis là, on regardait ça, puis j'étais comme, Chris, c'est vraiment assez bon. Maudit, ça marche leur affaire. Fait que, tu sais, c'était le fun. Notre soirée était comme parfaite. Puis je me souviens que la dernière fois qu'on était allé, le band, c'était un band quand même qui garochait pas mal, mais c'est juste le fun de commencer la soirée, tu joues aux machines, t'entends tes machines, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un band qui embarque, puis tu continues à jouer aux machines, tout ça, puis ça rock en même temps. Fait que il y a beaucoup de vie dans l'environnement. Ouais, ouais. Fait que non, c'est vraiment, c'est génial. Si vous allez à Ottawa, vous pouvez y aller assez facilement quand même. C'est sur la rue Bank, puis ça se pogne quand même assez rapidement, assez facilement. En autobus. Ah ouais. Puis c'est ça, c'est proche quand même du centre d'Ottawa qui est finalement un peu le Parlement et tout ça. Fait que c'est très facile d'accès. Super bon spot. Ça coûte vraiment pas cher. Non, nous, non, PGF, on a passé une Christie de bonne soirée pour 25$ à peu près. Ah ouais. Incluant la bière là-dedans, puis le cover, puis les machines. Ah oui, puis les machines. Puis on avait, là. On a joué longtemps. Vous ferez pas ça à Montréal, à moins non. De... Non. À soirée Papa Cassette avec exact. Le cover, puis vos bières. Là, mais pour un endroit commercial, c'est vraiment pas cher. Oui, non, c'est vraiment pas cher. Puis c'est le fun. Puis tu sais, il y a le... C'est ça, j'aime quand même le feeling du 25 cents et le fun aussi. Tu es dans une arcade, puis tu mets ton 25 cents. Y'a-tu des politiciens, t'as la genre, chienne qui de jouer, perdre là, tes affaires? On n'a pas vu. Non, Stephen y a Harper qui joue à Big Dog. Ouais. À moins que Stephen s'était déguisé en punk ou en metalhead, c'était ça. On a vu les métalleux punk les plus polis qu'on avait jamais rencontrés, par exemple. Gentil, c'était fou, man. Parce qu'à Ottawa, moi, c'est une affaire que j'adore. Là. Tout le monde est extrêmement gentil. Contrairement à Montréal, tu sais, on n'est pas des mangeurs de marde quand même, mais les gens sont comme un petit peu plus réticents au contact humain, puis mm-hmm. Les gens sont moins heureux dans un sens, tu sais, littéralement. Fait puis t'arrives à Ottawa, tout le monde a un gros sourire dans la face, puis tout le monde c'est comme yay, t'ouvres la porte, puis ils s'excusent, puis ils disent bonjour. Mais là, Christy, à un moment donné, je m'en vais aux toilettes, puis il y a un punk vraiment redoutable, le genre de gars qui... J'étais arrivé en face, je fais comme, oh boy, OK, je vais me ranger pour pas être dans son chemin. Puis là, je m'en vais pour me laver les mains, puis là, après ça, je m'en vais pour pogner le papier, puis il est dans la place, puis il dit, oh, sorry there, bud, go ahead. Super fin, tu sais. Là, j'ai wow, c'est donc bien hot, ça. Un punk était... géant qui se tasse, tu sais, ouais. Pour pas laver les mains. Là. Moi, là, tu sais, qui est un petit frame, puis ce soir-là, j'étais pas habillé en métalhead, pantoute, fait que... Non, c'est vraiment génial. C'est une belle place, Ottawa, sérieux. Allez-y, mais allez surtout au House of Targ, oui. Qui est un endroit magnifique. Fait que c'est ça. Puis d'ailleurs, Bruno, on se fait écœurer en ce moment dans le chatroom. Il y a Dom qui dit les high scores d'Arcade Montréal sont plus importants que les high scores de House of Targ. Il y a Sean Apple qui dit, tu sais, ils parlent de high score, ils sont cute. Mais comme j'ai répondu, nous autres, on passe pas une soirée complète sur une machine pour faire le high score. Alors, on a au moins ce mérite-là. Peut-être. Non, mais les gars, sérieux, là... Talk is cheap. Allez à Ottawa changer toutes les high scores. Vous allez trouver ça super facile. Eh oui, c'est ça. Tu sais, sérieusement, on se vante parce qu'on était vraiment premier puis deuxième dans l'arcade, mais c'est parce qu'il n'y avait personne de clencher. Élie Rodrigue était pas non, là. Non, c'est ça. Fait qu'on en a profité. Tu sais, ici, on est des losers. Fait qu'on ouais. Est allé être winner à Ottawa. Il a fallu se rendre un peu loin. Tu peux toujours être le meilleur mais, à quelque part. Oui. Fait que, là, tu as trouvé ton spot. C'est ça. C'est bon. La morale de l'histoire, en fait. Ouais. C'est une belle morale. C'est une belle morale, ça, Nicolas. c'est bon, ça. Fait que c'est ça. Fait que là-dessus, Voulez-vous parler des jeux que vous jouez ces temps-ci? Oui, c'est ça. Moi, je voulais parler rapidement des jeux qu'on joue ces temps-ci. Toi, Nicolas, je sais pas, tu joues-tu à quelque chose d'autre que les jeux que tu critiques de ce temps-là? Ouais, mais moi, j'avais critiqué Mortal Kombat X. Là. J'ai donné un petit shot. On a fait une petite session de multijoueur avec un de mes amis là, qui change la dynamique de Mortal Kombat en ligne. Là, ouais. Le plaisir d'un fatality en personne est toujours le fun. Là, c'est comme l'équivalent d'une humiliation live. Là, fait que ça, c'est toujours agréable. Moi, j'ai joué depuis très longtemps... Là, Heroes of the Storm, en fait, il va sortir officiellement le début juin, donc ça va sûrement être ma prochaine critique. Cool. Donc, le final build, en fait. Là. Ouais. Je continue de mettre des heures là-dedans. Ouais. Puis, sinon, mais je pensais qu'il sortait cette semaine. J'ai vu des annonces début de juin. Ça. Okay. Oui, mais ils ont commencé à faire de la pub. Là, okay. La majorité du monde ont accès maintenant, qui voulait avoir accès. Okay. Là, le bêta a été super ouvert. Là. Mais le lancement officiel, il me semble, je peux regarder ça. Il est imminent. GF, mais c'est début juin, me OK, semble. Parfait. Fait que, c'est un jeu PC, ça. Là. PC, ouais. Free to play, en principe, là, mais vous allez quand même investir 260$ là-dedans. Là, mais... 1er juin, launch celebration, ils disent, c'est le 1er juin. Ah, cool. Ouais. Bon. Toi, Bruno, tu as quelque chose moi, à ces temps-ci? Oui, bien, moi, de ce temps-là, j'ai joué enfin à Wolfenstein The New Order. Mm. Puis c'est vraiment un des meilleurs first-person shooters que j'ai joué dans ma vie. Parce que moi, en fait, dans certains jeux, l'histoire, je m'en sac. Ouais. Mais dans d'autres jeux, l'histoire est vraiment bonne. Puis tu veux savoir ce qui va se passer par la suite. Puis ce jeu-là est comme ça. L'histoire est hallucinante. C'est vraiment bon. Les personnages sont bien écrits. Puis ils ont vraiment gardé l'essence de ce que c'est Wolfenstein. Ouais. Mais ils ont gardé l'essence, mais en même temps, ils sont pas allés dans le trop comique, pouet-pouet. C'est quand même assez sérieux comme jeu. Mm-hmm. Parce que ça commence, puis tu regardes les personnages, comment ils sont faits, un petit peu cartoony, puis tu fais comme, boah, ça va être un peu n'importe quoi, cette affaire-là. Mais finalement, c'est vraiment deep, puis il y a du monde qui crève, puis ça va mal en tabarnouche. Fait que, non, j'ai aimé ça, puis côté gameplay, c'est vraiment top. Puis c'est le fun parce qu'ils jouent avec les armes. Ce qui est le fun, c'est que les Allemands ont des technologies qu'ils n'auraient jamais pu avoir. Ouais. Parce que là-dedans, c'est ça, dans New Order, en fait, c'est que les nazis ont vraiment pris le dessus puis ils ont vraiment battu les Américains. Okay. Fait que là, tu bâtis une résistance, en fait. Ouais, mais ce jeu-là avait été très, très bien coté. Oui. Puis moi, il est sur mon liste de jeux à jouer. Là, j'ai pas encore le temps, mais puis c'est apparemment un excellent single player. Là, oui. Justement. First person, c'est ça qui est rare parce que d'habitude, c'est tout le temps du multijoueur. Oui. Maintenant, l'industrie s'en va vraiment à donner. Ben, je vais donner un single player de 5 heures. Oui. Tu vas jouer en ligne. Puis je comprends parce que la plupart des gens veulent jouer en ligne. Oui. Mais ça a surpris justement par la qualité du single player. Pour mais c'est parce que ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y en a pas de multiplayer. Ouais. Moi, je trouve ça fantastique. Ça prend du guts. Là, oui. Ça, c'est 2014 qui était sorti. Fait, mais moi, je trouve ça brillant. Je me dis, tant qu'à faire quelque chose, fais-le comme du monde. Puis eux autres, ils se sont juste dit, regarde, on se concentre là-dessus, puis c'est tout. Puis... c'est correct dans le même. Il y en a tellement des jeux multiplayer qui existent. C'est clair. Si tu veux tirer ton épingle du jeu, essaie d'avoir quelque chose de différent. Ben oui. Puis eux, ils ont réussi ça. Là. La campagne est super longue en plus. C'est quand même. Y a-tu un peu d'humour quand même? Oui, il y a de l'humour. Il y a de l'humour là-dedans à la Wolfenstein. Puis même, à un moment donné, c'est le fun parce que t'es dans un bunker avec la résistance que tu réussis à commencer à fonder. Ouais. Puis tu t'en vas au deuxième étage, puis il y a une espèce de lit tout miteux qui est à terre. Quand tu regardes dessus, c'est écrit, t'as un bouton qui apparaît, puis ça dit « Having a nightmare » ou quelque chose du genre. Tu pèses dessus, puis tu te retrouves dans le premier Wolfenstein. Puis tu tires du monde, mais avec tes armes, puis tout à toi, tu sais. Okay. Sauf que sont toutes en 8 bits, tout croche, tu sais, avec les vrais bruits. Pis, c'est fresh, hein? C'est malade, là, c'est vraiment le fun. Puis quand tu crèves, la première fois que tu crèves, ben là, tu te réveilles, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça, il y a plein de beaux clins d'œil, il y a quand même un peu d'humour, mais l'histoire est bien faite, puis c'est bien monté, puis c'est le fun aussi qu'il ait fait un autre monde aux nazis. T'sais. Les nazis, en fait, là, ils ont réussi, puis ils ont des technologies qui n'ont aucun sens. C'est alternatif. Oui, ouais, c'est vraiment n'importe quoi, puis les méchants là-dedans... Il y a des méchants que j'ai beaucoup aimés. Il y en a un homme puis une femme. dans les nazis. Puis ces deux personnages-là sont evil comme ça aucun sens. Ah ouais. Là, c'est vraiment les gens les plus sadiques au monde. Puis tu regardes, puis t'en as vraiment peur. T'sais. Fait que c'est vraiment des personnages bien faits, bien montés. Puis ton personnage à toi, bien évidemment, c'est le gros gars super tough, hyper musclé, tout ça, qui est comme né pour tuer des nazis. Okay. Fait que, non, c'est vraiment, c'est un très, très bon jeu. Puis, moi, je recommande à nos auditeurs qui ont encore peur de ce format d'aller le louer. Parce que moi, je l'ai loué. C'est une location de 7 jours au Vidéotron. Fait que, tu sais, une location de 7 jours, sérieusement, t'as quand même le temps de terminer le jeu. Puis, si t'as pas le temps, ben, à tous les jours, tu le rapportes pas tout de suite. Puis, coudonc, tu vas payer genre 50 cents de la journée que t'as manqué. Fait que, ça vaut vraiment la peine à la place de t'acheter un jeu super cher. Lui, il est encore à plein prix. Des fois, il vient en spécial. Mm-hmm. Mais sinon, il est 69,99. Là. Fait que, pour un jeu qui a juste un single player, 69, ça commence à être cher quand même. Là. Fait que, c'est peut-être mieux de louer. Ouais, mais d'ailleurs, sur ta recommandation, après notre discussion comment vous consommez les jeux, je dois dire que j'ai été m'abonner dans un club vidéo, tu sais, un des derniers qui reste, là, pour ne pas les nommer, là, mais tu sais, une des grandes chaînes, là, j'ai dit, bon, regarde, je vais aller m'inscrire, mais les jeux que je voulais n'étaient pas là, fait que je pense qu'il faut vraiment que tu fasses attention, là, j'imagine. Mais moi, ça tombe bien, en fait. Il n'y a personne qui loue des jeux dans ton coin, c'est non, ça? Les gens louent des jeux. Mais faut que tu y ailles à des moments stratégiques là, quand même. Là. Tu sais, tu vas pas louer ton jeu le vendredi. Puis la fin de semaine, oublie ça, t'auras rien. Mais ça dépend. T'auras rien dans les derniers jeux qui sont sortis comme cette semaine ou dans le mois. Ouais. Mais les jeux comme avant, là, comme Wolfenstein, ils étaient tous là. Puis tu sais, c'est le fun de louer les jeux aussi à ce moment-là parce que là, c'est des jeux qui sont 7 jours à la place d'être un 3 jours. Ouais. Fait que t'as le temps en masse de jouer à ton jeu, là. Fait que, non, tu sais, la location, Colin, pensez-y, les temps sont durs, tout le monde a moins d'argent. Fait que, moi, c'est ça, c'est PlayStation Plus, c'est finir un jeu puis l'échanger pour un autre puis tout ça. À un moment donné, t'as pas le choix, là, tout le monde a des billes à payer. Ouais, exactement. Là, fait que, mais la location, ça vaut la peine parce que certains jeux, tu sais, comme, pas que j'ai un parti pris, mais Nintendo, tu sais, acheter un jeu, je peux comprendre parce que, ils l'ont travaillé pendant 5 ans, puis tu sais qu'il va te toffer 5 ans parce qu'il est bien fait, il est solide. Puis, comme mettons Mario Kart, là, louer ça, ça sert à rien. Tu sais que tu vas jouer encore longtemps. Là. Fait que c'est ça. Sauf des jeux comme ça avec une campagne, regarde, tu loues. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, tu me rappelles aussi, tu sais, il y a eu le test public, le Splatoon, le 29 mai. Oui, le Global Test Fire. Puis, je sais qu'il y a eu des. Il y en a qui ont dit qu'il y a des petits problèmes de connexion, mais ce jeu-là est vraiment prometteur. Là, j'ai vraiment hâte là, de pouvoir mettre la main sur la copie pleine. Là, en fait, là, c'est tellement différent en fait là, comme environnement. En tout cas, moi, je trouve ça assez rafraîchissant. On en avait parlé, puis plus que ça s'en vient, plus qu'il y a des détails qui sont présentés, qu'on voit que ça a l'air de quelque chose d'intéressant. Là, moi, c'est quelque chose visuellement, j'étais vraiment pas sûr de ce jeu-là, mais le gameplay a l'air tellement en tête. Il y a vraiment. Ça la touche Nintendo quand même. Puis je me dis, moi, c'est ça, c'est comme j'ai dit l'autre fois, depuis qu'ils ont dit on veut faire pour le jeu de cartes, ce que Mario Kart a fait pour les shooters. Ouais. C'est quand même gros. Là. Ouais, ça veut dire qu'ils veulent vraiment avoir une place de choix. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Ah ouais. Mais c'est ça, c'est-tu un jeu multi seulement ou il y a un single player? Non, il y a un single player, une campagne, selon ce que je peux comprendre. Puis il y a aussi du multijoueur. Fait que, ça reste Nintendo, donc habituellement, ils ont un type de clientèle qui vont aussi satisfaire, mais je pense qu'ils vont aller chercher autre chose. Là. Fait que, c'est bon ça. Ouais, ouais. Yes. Fait que, on a-tu essayé des jeux, nous autres, cette semaine? C'est ça. À part tout ce qu'on vient de dire, je vais vous faire la critique de mon premier jeu. C'est Assassin's Creed Chronicles China. Oui. Et je parle pas de la China, la wrestler. Je parle... qui se souvient de China? Un crossover, moi, je m'arrête. Ça serait malade. Assassin's Creed Chronicles, China, ta voix. Vous savez, elle a terminé où, elle, China? Oui. Elle a fini en porno. Dans, c'est, ouais. C'est elle qui fait She-Hulk dans les pornos, genre. Ouais. Non, sérieux? Pour ouais. Vrai, c'est vraiment ça. C'est vraiment triste. Ah ouais. Il me semble même qu'elle l'avait fait. Elle était une méga star dans le temps, la DX et tout ça. Mais elle avait fait de la porn avec un autre wrestler, avec le petit. Avec X-Pac. Oui, X-Pac. Je connais mon shit. Mais tu connais ta lutte. C'est ça, ça, tu connais ta lutte. Exactement ça. Là. fait que c'est ça. Fait que Assassin's Creed Chronicles, c'est un jeu qui est développé et publié par Ubisoft. En fait, ça a été travaillé à Ubisoft Montréal. Ouais. Et puis, ce jeu-là, en fait, là-dedans, ça se passe... c'est vraiment vieux, là. Ça se passe... en 1526. Ouais, ça se passe en Chine. Ça se passe à Laval. Non, c'est ça, ça se passe en Chine, puis t'es l'assassin Shao Jun. T'es une femme, ce qui est génial quand même, ça arrive pas... Ça, c'est une réponse directe, là, genre, je sais pas si vous rappelez la petite controverse là, ben oui. Qu'il y avait eu, là, comme quoi... Il n'y avait pas d'héros féminins parce que la démarche de l'animation du squelette était trop difficile. Ça, c'est une réponse. On va faire un DLC. Puis, Mais tu sais, des fois, ça me donne l'impression, tu sais, parce qu'il y a trois volets à Assassin's Creed Chronicles. Des fois, je me dis, ils ont-ils sorti China en premier à cause de ça? Parce que en fait, China, c'est une femme. Puis les deux autres, je pense qu'il y a Russia, puis je me souviens plus c'est quoi l'autre. C'est ça, il y a India puis Russia. Okay. Les deux autres, c'est des hommes. Fait que je me disais, drôle de timing. Ouais, mais c'est clair qu'il y a un doute de PR qui a dit, ouais, il y a peut-être une opportunité, ouais. Les gars. J'aimerais lever un petit drapeau, là. Mais bref, là-dedans, t'es Chao Jun, t'es un assassin, puis évidemment, ton clan est décimé complètement, ton clan est détruit, puis tu t'essaies de reformer la confrérie, parce qu'en fait, en Chine, il n'y en a plus d'assassins, t'es la dernière. Ce qu'il faut faire là-dedans, c'est un jeu en 2.5D, en fait, parce que c'est un platformer 2D, mais il y a quand même une certaine profondeur, puis des fois, on peut se promener du point avant à arrière du niveau. Il faut faire comme dans Assassin's Creed la plupart du temps, c'est qu'il faut assassiner, mais il faut surtout contourner les personnages qui sont là, les gardes et tout. De la manière que ça se fait, moi, j'ai vu ça au départ, puis je me suis dit, ça sera pas si dur que ça de faire ça, mais finalement, ça devient quand même assez complexe parce qu'au départ, c'est aussi simple que juste ne pas être dans le champ de vision des ennemis et tout ça, mais à un certain point, il y a des trucs dans le tableau qui vont pouvoir être enclenchés, comme mettons, il y a une cage d'oiseaux, puis cette cage-là, elle a une espèce de cercle autour, puis si tu passes dedans, ben l'oiseau va chanter, puis finalement, tu vas te faire repérer, okay. Ou des chiens de garde qui sont là, ou sinon, ces gardes-là que tu vois, tu vas voir aussi leur champ de vision, tu vas voir jusqu'où ils voient. Vu que c'est en 2D, évidemment, c'est la meilleure façon de voir, parce que sinon, en 3D, tu vois quand le gars te regarde, tu sais qu'il te voit, mais sinon, là-dedans, ce serait assez difficile de le faire regarder jusqu'au bout du niveau. Fait que tu vois leur champ de vision, puis tu as aussi la vision d'aigle, pareil comme dans Assassin's Creed, puis tu peux voir c'est quoi les pas qu'ils vont faire. Tu peux voir c'est où qu'ils vont, puis c'est où qu'ils viennent. Fait que toi, tu te promènes dans un niveau, tu peux te cacher, tu peux aller dans les haies, dans les feuillages, puis il faut aussi que tu assassines certains de ces personnages-là. Faut que tu réussisses à les contourner, puis on te donne des outils. Tu peux siffler, entre autres, puis tu décides vraiment de la force de ton sifflement. Puis là, justement, ça va les, justement, ils vont se poser des questions comme « Hey, c'est quoi ce bruit-là? » Puis ils vont finir par se rendre vers toi. Puis tu peux soit, mettons, sauter dessus pour les assassiner ou tout simplement les berner qui a un son qui vient de là, mais finalement, tu es rendu ailleurs. Fait que tout ça fonctionne à merveille en 2D parce que les contrôles sont super tight. C'est vraiment des très, très, très, très bons contrôles. Il y a aussi une autre arme, il y a une espèce de crochet que tu peux avoir. Il y a des espèces de pas des shurikens, mais pratiquement la même chose, une espèce de projectile que tu peux lancer. Tu as aussi une épée avec laquelle tu peux te battre, puis avec laquelle tu peux contrer. C'est un peu le même principe que dans Assassin's Creed, c'est de comprendre le pattern que, bon, quand le personnage il te frappe, ben tu pèses sur le bouton bon moment, puis il va le bloquer, puis il va contre-attaquer. Ouais. Fait que côté combat, je te dirais que c'est pas le meilleur jeu parce que c'est mieux d'éviter le combat, en fait. Je pense que c'est une décision de design, bien franchement, okay. Parce que tu sais, ça a tout le temps été comme ça, Assassin, en fait. C'est tout le temps mieux d'éviter que de confronter la plupart du temps. Puis le combat, ça n'a jamais été incroyable. Puis là-dedans, dans ce jeu-là, en fait, quand tu te bats, c'est très difficile la plupart du temps. Au début, c'est assez facile parce que tu as juste un personnage en avant de toi. Mais quand tu en as 3-4, c'est pratiquement infaisable, quasiment sûr de mourir. T'sais. Une chose que j'ai aimée, c'est que tu peux te promener. Des fois, t'es à côté du personnage, puis tu peux descendre en dessous, puis t'agripper sur le bord du niveau, puis tuer les ennemis, puis tout ça. Ils ont réussi à rendre en 2D ce qui est normalement faisable dans un univers 3D. T'sais. Ouais, mais c'est intéressant parce que j'ai regardé le gameplay, ça a vraiment l'air, l'impression externe, j'ai pas joué. Oui. Ça a l'air d'être Assassin's Creed qui rencontre le Prince of Persia original, ouais, ont un mash-up dans le fond. Là. Ouais, c'était. Tu sais, c'est joli, c'est assez stylisé, ouais, quand même. Là, il est super beau le jeu, ouais, il est vraiment génial. Là. Mais beau rendu. C'est super beau. Les en fait, moi, ça m'a fait penser aussi un peu à Mark of Cree. Voyons donc, je trippe trop sur ce jeu-là, j'arrête pas de le dire. Mais pas Mark of Cree, Mark of the Ninja. Ça m'a fait un peu penser à ça. Le problème, c'est que Mark of the Ninja est tellement bien fait, tellement parfait que ce jeu-là n'arrive pas à recréer cette espèce d'expérience-là. Pas à cause qu'il est plate, puis pas à cause qu'il est mal fait. En fait, les premières heures de Chronicles sont écœurantes. C'est vraiment bon, c'est vraiment tête. Sauf qu'à un certain point, au début, tu finis par tout débarrer, par tout faire, puis par te rendre compte que tu peux faire pratiquement la même affaire jusqu'à la fin du jeu, puis quand même réussir. Fait que même si on te donne des outils... Sans te cacher, genre, puis juste sneaker. Ouais, faire ça, ou soit, tu sais, tu vois un ennemi, puis tu fais comme, ah, OK, ouais, lui, je vais faire ça. Tu finis par faire toujours la même affaire, ou tu finis par combattre des ennemis parce que tu sais quel type d'ennemis ils sont, puis ça va être facile. Fait que tu développes des trucs, ce qui est bien, sauf que il y a quand même une certaine redondance. Il n'y a pas une grosse variété d'ennemis. Moi, ce que j'ai préféré dans le jeu, c'est les segments où tu te sauves. Il y a comme une espèce de endless runner, en fait, où tu te sauves, où il y a des explosions, toute l'équipe. C'est vraiment super le fun parce que tu fais du parcours, tu sais, puis ça fonctionne à merveille. Par contre, il n'y en a pas beaucoup des segments comme ça. Puis c'est un jeu qui est bon, mais qui répète trop souvent la même affaire, puis c'est ça sa plus grande faiblesse. Malgré ça, moi, je trouve que ça vaut totalement le prix. Puis que c'est un jeu auquel les gens devraient jouer. J'ai l'impression que... J'espère, en fait, je ne sais pas, mais j'espère que les deux autres volumes sont pas encore terminés puis qu'ils vont régler ces problèmes-là. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment des... Tu sais, c'est des problèmes qui sont pas vraiment évidents à première vue parce que tu commences le jeu puis tu tripes. C'est juste comme d'essayer de te renouveler puis d'essayer d'amener plus d'éléments puis peut-être de débarrer les outils de l'assassin moins rapidement dans le jeu, comme ça on aurait plus le goût de continuer. Parce que là, t'es rendu au milieu du jeu, puis tu fais comme, ben, j'ai tout fait, je vois pas pourquoi je continuerais, tu sais. Puis l'histoire, sérieusement, l'histoire, c'est pas super. Ouais. D'un jeu en 2D comme ça, c'est tout le temps difficile, une histoire, parce que tu peux pas non plus... Ben, c'est assez linéaire aussi. Ouais, c'est assez linéaire quand même, puis ton storytelling se fait pas dans le niveau comme tel. Même si l'assassin parle pendant qu'elle marche et tout ça, t'as aucune connexion avec les personnages parce que t'es vois de très loin. Puis entre les niveaux, c'est fait à l'aquarelle puis tout ça, un peu dans le look du jeu. Mais les personnages sont pas en mouvement. Il y a pas de dialogue qui se fait. C'est des photos qui se parlent. T'sais. Moi, ce genre de dynamique-là dans les cutscenes, ça marche un peu moins avec moi. J'ai moins d'attache. Je trouve ça très beau, mais... J'ai juste moins d'attache. Un peu à la Child of Light, dans le fond. Là, ouais, c'est ça. D'Ubi aussi. Là. Exact. Fait que c'est ça. Mais bref, un jeu super intéressant. J'ai hâte de voir les autres volumes qui sont sortis. C'est sûr que je vais y jouer. J'ai très hâte. Puis ça vient d'un gars qui n'est pas fan d'Assassin's Creed. Pas en tout. C'est vraiment pas mon genre de jeu. Puis là-dessus, ils m'ont eu quand même. Je trouve que ça fonctionne super bien, cet univers-là, en 2.5D. Et je lui donne un... 3.5 sur 5, ce qui donne 70% au jeu. C'est sérieusement un achat. Allez-y, si vous aimez l'univers, puis même si vous n'aimez pas l'univers d'Assassin's Creed, je pense que vous allez trouver votre compte. Ah ben, c'est bien. En tout cas, honnêtement, il a l'air très beau. Là. Oui. J'ai goût d'essayer. Là. Un très beau jeu. Mm-hmm. Un beau jeu. Justement, les petits jeux comme ça, quand il y a une direction artistique aussi puissante que ça, ça, ouais. ça me surprend tout le temps. Mais il n'y a pas eu de fanfare associée à ce jeu-là. Il était un peu... Non! Dit comme genre, oui, ça a été vraiment low profile. Il n'y a personne qui en a vraiment parlé. Puis là, un moment donné, ben, oh, on a ça, là. Tu peux y jouer. Tu sais, il n'y a pas eu de pub, rien. C'était... On a ça, là. C'était quelque part dans les boîtes. Puis... ça... ouais. Mais coudonc, il ne devrait pas avoir honte. C'est un bon jeu. Good. Oui. Fait que toi, à quoi t'as joué pendant que je me cassais la tête à tuer du monde? Ben moi, j'ai joué un jeu de casse-tête. Oh! Quel lien incroyable, même pas prévu. C'était un lien non, pas prévu. C'est comme wow. live, là, tu sais. Hey, c'est génial. On va faire un genre de show d'impro au bordel, ouais. là, qu'on ouais. faisait. Là, c'est que ça oh, s'en vient, oui. watchez ça. Ça s'en vient, watchez ça. Le nouveau devient humour. Nick alors, et Bru. Ouais. le duo Nibru. Alors, Puzzle and Dragon et... Puzzle and Dragon Super Mario Brothers Edition. Fait que ça, en fait, c'est un long, long titre. Ouais. Grosso modo, c'est quoi cette affaire-là? C'est deux jeux dans un. Donc, okay. Un petit peu comme vous aviez Super Mario Brothers avec Duck Hunt dans un ouais, seul ouais, cartouche. Ouais. C'était vraiment le fun dans ce temps-là. Exact, mais Nintendo a pris... Regardez, bon, ça, c'est la tradition. On va refaire la même affaire. Ouais. Fait que là, ils ont packagé deux jeux dans un. Okay. Ça, c'est Nintendo 3DS, en fait. Ouais. Ça a été développé par Gung Ho Online Entertainment, qui sont aussi ceux qui ont eux fait... Eux autres, c'est du mobile, pas mal. Oui, ben eux qui ont fait le Puzzle and Dragon original, en okay. fait. Ça, c'est un jeu mobile. Ouais. Ils ont fait quelque part aussi, là, comme de Ragnarok, les versions Vita ouais. et 3, ouais, et DS, vrai. En fait. Donc, ils sont très, très... très, très mobiles. Ils ont fait beaucoup de freemium ou free-to-play. Ouais. Fait que... c'est une compagnie, mais Puzzle and Dragon, c'est leur gros titre, leur grosse ouais. franchise. C'est un jeu free-to-play qui a été ultra populaire en Asie, spécifiquement au Japon. Okay. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Puzzle and Dragon, là-bas, c'était la grosse, grosse affaire. Ouais, il est ouais. arrivé en Amérique du Nord. Il est disponible sur les déjà sur téléphone cellulaire. Mais l'offre qu'on a ici est complètement différente. C'est pas un free-to-play. C'est des jeux complets qui ont inclus. Puis véritablement, ce que c'est Puzzle and Dragon version Z, en fait, okay. qui ont inclus avec une version de Puzzle and Dragon qui ont comme reskiné en Mario, en fait. OK. Fait que, ici, ce qu'on c'est voit... quoi qu'il faut que tu fasses là-dedans, le Puzzle and Dragon? Ben, j'ai écoute, de la misère à le comprendre, ce jeu-là. C'est assez classique. Là. C'est un puzzle où tu dois faire des agencements de trois. Un okay. petit peu comme à la Bejeweled, dans ouais, un sens. Oui, ouais, c'est ça. C'est vraiment le... Ben c'est la saveur du jour en ouais, mobile. Ça, là, il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont comme ça. On peut penser au Candy Crush de ce monde. Ouais. Et tout, ben moi, tout c'est ça, jeux, je joue à Fat Princess depuis un bon bout de temps. Là. Puis je t'en veux tellement de m'avoir fait découvrir ça. Addict. T'as mis moi et ma blonde addict à ça complètement. On est plus capable de le lâcher. Ben, donc, c'est tellement le fun. Ça, c'est, ce jeu-là, c'est exactement ce petit genre de jeu là, où tu vas être okay. addicté. T'sais. C'est une... T'as une grille super simple de puzzle, tu es 6 par 5. Okay. Tu dois faire des agencements. Puis la façon dont ça fonctionne là-dedans, tu as des éléments, en fait. Tu as de l'eau, du feu, des plantes avec le triangle, un petit peu comme on ouais. a connu dans d'autres jeux dans le passé. Tu as aussi les lumières, les ténèbres, puis tu as une espèce de truc qui peut te permettre de te donner de la vie, donc les cœurs. Quand tu fais okay. des agencements là-dedans, tu peux te soigner, en fait. Ouais, ouais. Fait que c'est vraiment bien fait. La twist, en fait, que Puzzle & Dragon va amener au niveau du gameplay, du puzzle lui-même, c'est que à partir du moment où tu touches la pièce que tu veux déplacer, ouais. ben là, tu as une barre de temps à côté qui te permet de la déplacer à volonté et tu peux faire bouger d'autres pièces avec celle-là. Fait que là, dans le fond, okay. quand tu la rentres à un endroit, elle va faire bouger d'autres pièces. Fait que tu peux créer quelque chose, vraiment. Fait que t'es pas, en fait, t'es-tu obligé, la pièce que tu choisis, est-ce qu'elle est obligée ouais. d'être à côté de la même pas du couleur? Tout. Tu peux elle déplacer peut être n'importe où dans non le tableau? Non seulement tu peux déplacer n'importe où sur la grille, mais tu peux aussi déplacer d'autres pièces en la mettant, en la superposant. Okay, donc, okay. si, mettons, j'ai trois étoiles qui sont plus ou moins bien alignées, ouais. je peux prendre une quatrième étoile, aller jouer avec, à gosser avec mon stylet jusqu'à temps qu'ils soient alignés les quatre, okay. puis lâcher ça, puis avoir quelque chose d'un petit peu plus puissant là, que okay. mettons juste un 3. Ça, c'est vraiment, je dirais, c'est très rafraîchissant là, dans le monde ouais. des puzzles. Puis ça fait que, honnêtement, il y a une profondeur que tu peux aller chercher là-dedans. Okay. Bien entendu, quand tu fais des combos, ça fait des attaques beaucoup plus puissantes, ouais. en fait. Donc, mais je vais parler un petit peu de la mécanique de jeu. Donc, on choisit une équipe, en fait. L'équipe, ben, je vais parler peut-être de la version Mario en premier. Oui. Ça, c'est en fond, c'est les personnages de Mario qu'on connaît tous. Tu sais, tu vas avoir Mario, Luigi. Tu vas avoir différentes versions d'eux-mêmes. Tu vas avoir des Goombas, tu vas avoir des Koopas. Et chacun d'entre eux ont des éléments associés. Donc, la twist, en fait, c'est vraiment si on a, disons, un Mario qui est élément de feu, puis que je fais une combinaison d'éléments d'eau, ben Mario va rien faire. Il va pas attaquer. Fait qu'il faut vraiment que je construise mon équipe en fonction de, OK, tout dépendant des tableaux aussi, ils vont dire, voici les orbes qui vont être disponibles, parce que ce qu'on voit à l'écran, c'est des orbes, en fait. Ouais. Là, il va falloir que je construise mon équipe. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant. Non seulement, on doit avoir des backbenchers pour pouvoir pallier à certaines situations. T'sais, il pourrait avoir un tableau où ça serait juste, mettons, des types plantes puis des types glace, là, ou eau, dans le fond. Là, à ce moment-là, il faudrait que je fasse une équipe en conséquence parce que si j'ai juste des types ténèbres ou lumière, je vais être incapable d'attaquer, je vais me faire tuer. Donc ça, ça amène vraiment des twists intéressantes au niveau du puzzle. Côté RPG. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est côté RPG. Si vous avez joué dans le temps à Puzzle Quest, vous avez sûrement aimé cette expérience-là. Ouais. Si vous aimez aussi les jeux comme Bejeweled ou des classiques, ceux qui sont fans de Candy Crush, ce qu'ils ont enlevé là-dedans, c'est ils ont enlevé l'élément là, de freemium. Donc, c'est intéressant parce qu'ils ont pris le chemin inverse de tout le monde. Tout le monde prend des jeux normaux, les rend free-to-play. Eux, ils ont fait le contraire. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu peux aussi faire évoluer ton équipe. Tu montes tes personnages. Ouais. Tu vas aller, ça marche un petit peu comme un système de cartes où je vais pogner des nouvelles créatures. Si, mettons, j'ai deux Goombas, ben, je vais pouvoir prendre les deux Goombas, les fusionner, puis là, je vais avoir un Goomba un peu plus fort. Donc, ça va me faire prendre des niveaux. Je peux aussi faire des donjons, puis naturellement, ben, ça va me faire prendre des niveaux comme un petit peu un RPG. Puis là, les jeux sont un peu différents. Le jeu Mario, je vais avoir un 8 mondes. C'est assez un petit peu plus linéaire comme expérience. Tandis que le jeu Puzzle and Dragon, lui, est un petit peu plus en ligne avec la version mobile. OK. Mais ils ont quand même rajouté un élément RPG plus profond. Je vais avoir un genre de hub. Je vais pouvoir faire des choses, parler à des gens. L'histoire n'est pas tellement forte. Dans Mario, ben, tu sais, on s'entend, on joue jamais à Mario pour l'histoire. Non. Dans la version Puzzle and Dragon... c'est pas non plus l'histoire qui va faire que c'est vraiment intéressant. Tu sais, y a des éléments classiques RPG. Tu commences, bien sûr, t'es comme couché. Tu t'en vas, tu te lèves, ta mère est là dans ta maison, on s'entend. Là, il faut que tu ailles voir un scientifique. Le scientifique, lui, va te donner des œufs de dragon de trois éléments différents. C'est calqué sur Pokémon. Là, vraiment? La seule différence, là, à partir du moment où ça devient différent, c'est qu'au lieu d'en choisir un, tu as les trois dans ton équipe. Là, tu as le feu, l'eau puis les plantes. Là, tu vas commencer à assembler une équipe, justement. Là, tu as des sidekicks. Tu vas avoir des choix à faire, mais qui sont pas vraiment des choix. À un moment donné, tu vas rencontrer un petit dragon qui tombe du ciel. Là, tu vas avoir techniquement, tu as un choix d'y donner un nom. Il y en a un qui est complètement ridicule, genre... Puis l'autre, c'est Syrup. Il y en a un qui c'est Fuzzy de Muscle Dragon, je sais pas quoi. Mais le jeu te laisse pas vraiment choisir. Fait que c'est un petit peu décevant là-dessus. Ouais. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment pas pour l'histoire qu'on joue à ce jeu-là. C'est pour la progression de notre équipe. Là, tu sais, c'est le fun parce qu'au niveau des dragons qu'on a dans notre équipe, ben, ils sont un tout petit dragon, ils vont évoluer, ils vont devenir un genre de badass, gros dragon, un petit peu comme les dragons classiques là, japonais. Fait que ça, c'est bien intéressant. Et il y a un côté addictif à ce jeu-là. Ouais. Moi, j'ai trouvé, tu sais, il y a vraiment le syndrome de « Ah, juste une autre. Ah, juste une autre. » Tu sais, que t'es rendu à minuit et demi dans ton lit à jouer avec ta DS. « Ah, juste une autre. » Puis tu fais juste continuer, tu sais. Ouais. Ça m'a vraiment plu, tu sais. Puis, ah, c'est cool. C'est une belle expérience. Puis c'est Mais vraiment... t'as-tu trouvé, c'est ça, moi, ce qui m'a surpris de ce jeu-là, quand je l'ai vu, c'est un jeu à 40$. Qui est quand même, je veux dire, on voit souvent ce type de jeu-là sur mobile pour 1$ ou même gratuitement. Ben, tout à fait, mais il y a énormément plus de contenu que ce qu'il y a au niveau du mobile. La perception de prix, pour moi, c'est un problème. À 40$, ce jeu-là, c'est pas tout le monde qui va être attiré. T'sais. Puis je dirais que moi-même, de façon naturelle, j'aurais pas été vers ce jeu-là. Un jeu de puzzle en général à 40$, c'est rare quand même. C'est ça. Mais là, ça reste quand même deux jeux qui se ressemblent, mais qui sont différents. Les mécaniques de jeu spécifiques, à un moment donné... T'as des personnages qui peuvent pogner des super pouvoirs, puis tu peux les activer. La mécanique est un peu différente entre les deux jeux, puis le jeu a un look and feel différent. Ce qui fait que tu peux jouer si t'es vraiment accro au niveau de la jouabilité, ben tu peux jouer l'autre jeu tout de suite après. Tu as une très belle expérience. Fait que ça reste deux jeux. Okay. Disons deux jeux 15$. Bon, le contenu est là, la longueur est là. Ouais. Mario, tu vas à 8 mondes. Le Puzzle Dragon, tu as un très grand nombre de donjons que tu peux faire. Tu trouves-tu que c'est un jeu qui est accessible ou qui est un peu intimidant? Ouais. Non, ben moi, j'avais joué à Puzzle Dragon au niveau du mobile. J'ai pas investi des milliers d'heures, mais ce jeu-là est un petit peu plus facile au début. Ça reste quand même assez difficile. Ouais. Il y a des éléments comme que tu dois sélectionner ton équipe comme il faut. Tu dois utiliser tes super moves au bon moment. Tu sais, il y a vraiment des éléments de timing. Donc, je pense que ce que Goron a essayé de faire, c'est de faire une version un peu plus légère, un peu plus accessible du jeu de Puzzle Dragon. Oui. Peut-être que tu sais, ils disent à un moment donné, si les gens aiment ça, ils vont aller vers la franchise. Mais il y a quand même des éléments de complexité. Mm-hmm. Alors, ça commence facile, ça se complexifie. À un moment donné, là, au début, c'est vraiment de l'apprentissage. Mais à un moment donné, ça devient OK. Faut que tu penses à ce que tu vas faire, faut que tu penses à ton timing. Donc pour moi, c'est vraiment un plus. C'est une belle surprise découverte. Moi, je ne m'attendais pas à avoir autant de plaisir avec ce jeu-là. Donc, Là, tu lui donnes quelle note? Oui, honnêtement, avec le temps que j'ai mis là-dessus, puis comme je dis, le facteur addictif à ça, là, j'ai décidé de donner la note de 4 sur 5. Nice. Donc, je le recommande vraiment. Il m'a surpris, ce jeu-là, très agréablement. Puis, c'est vraiment, là, je vous le dis, là, vous allez être n'importe où, là, que ce soit dans le métro, sur le cabinet ou dans le lit, là, à faire un autre game. Et vous n'avez pas l'élément microtransaction et la limitation. Ça, c'est cool, par exemple, c'est vrai. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'énerve. C'est, des fois, c'est pas microtransaction. Des fois, c'est juste comme... Ah, désolé, tu peux pas faire un autre game. Il faut t'attendre 24 heures. Tout à fait, mais là, dans la version originale de Puzzle Dragon, tu as de la stamina. Ouais. Mais dans celle-là, tu n'as pas. Fait que tu peux toujours faire juste une autre. Alors, moi, j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Comme je m'a surpris. Puis, tu sais, c'est un bon divertissement, un jeu de puzzle. Si vous aimez le genre, allez-y à fond. D'être fan de Puzzle Dragon, de Bejeweled, ou juste de fan de puzzle en général, n'hésitez pas à sauter à pieds joints là-dessus. Nice. All right. Fait que. Sur ces très bonnes paroles, on va aller en pause. Oui, ouais, allons-y. Et puis, on revient avec une discussion fort intéressante. On va regarder c'est laquelle, après tout ce temps-là, laquelle des trois consoles next-gen est la meilleure selon nous. Mm-hmm. Fait que après la pause. On s'en va en pause. Mmh. Oh, c'était fort, ça. Tabarne. Excusez-moi. Tu chantiras la voix de Bruno qui fait C'est un excellent moment pour partir des fun facts, ça, je pense. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, pense ça. Alors, la PlayStation 1 devait être à l'origine une console développée pour Nintendo. Sony était responsable du développement des pièces électroniques, mais finalement, Nintendo a décidé de laisser tomber le projet, puis Sony sont partis de leur côté, puis on se dit, ben de la merde, nous autres, on fait une console, puis ça a donné la PlayStation 1. Ah. Donc, c'est un dérivé un peu d'un projet Nintendo qui a abordé en plein c'est milieu. C'est incroyable, ils ont créé, genre, leur plus grand compétiteur. Ben ouais, c'est vraiment ça, là. Projets, ils doivent s'en mordre les doigts, pareil. Ah, ouais. Je pense pas qu'ils sont vraiment à plein Nintendo, quand même. Non, pas vraiment. Dans la version Sega 32X du jeu Doom, si t'as triché pendant le jeu, après la fin du jeu, t'es dirigé vers un écran de style MS-DOS, un peu en console, puis en ligne de commande, puis c'est impossible de sortir de là. Faut que tu rebootes ta console. Aïe! Fait que si t'as triché, t'es pogné, ça peut plus rien faire. Si t'as pas triché, par contre, t'as une scène d'extra qui t'affiche à la fin. Ah ouais. Fait que je vous conseille d'essayer ça. Ouais, hein? Faut quand même que tu passes le jeu là, pour essaie le voir. Essaie de ne pas tricher dans c'est le fond, pas de God Mode pour vous. Puis ben, mon dernier fun fact, c'est par rapport à Mega Man. La seule raison pourquoi Mega Man était bleu, c'est à cause des limitations de couleurs de la NES. Il y avait une meilleure sélection de teintes de bleu que n'importe quel U de la palette des 54 couleurs disponibles sur la NES. Fait que c'est la seule raison pourquoi ils ont donné le bleu à Mega Man, c'est parce qu'il y avait un meilleur jeu. Aïe, aïe. C'est plate quand tu sais, un de tes héros de jeunesse t'aperçoit qu'il n'y a aucun choix genre, de direction artistique. C'est un problème technique. Hey, les gars, c'est technique. Hey, les gars, il y a plus de bleu. Qu'est-ce qu'on va faire? On met du bleu, là. Le Blue Bomber. Je m'excuse de briser votre jeunesse comme ça à chaque semaine. T'as brisé Mega Man. Hey, puis dernier petit truc avant de passer. Une recommandation comme ça. Oui. Moi, j'ai jamais vraiment le temps de gamer ces temps-ci étant les dernières 5 années, là, mettons. Là. fait que j'aime bien trouver des petits jeux rapides qui jouent bien. Puis je fouillais dans le PlayStation Store, puis je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Tennis in the Face. Oui. J'ai bien dit Tennis in the Face, là. Oui. À ne pas confondre avec le porno que j'ai joué la semaine passée. J'ai promis à Dom d'être plus vulgaire pour compenser mon absence. Je vais vous montrer à l'écran, en fait, c'est quoi? C'est un genre de jeu de puzzle. Ouais. qui est gratuit, ben free to play, mais tu peux payer pour avoir plus de niveaux. Ah, en fait, tu es un genre de tennisman des années 80 à la Pete Sampras, là, avec un petit bandeau rouge. Ouais, puis, Young Bomb, c'est... C'est ça, puis le concept, c'est qu'il y a des clowns avec des ballons un peu partout dans le tableau, puis tu dois lancer ta balle puis la faire rebondir pour pogner le plus de clowns possible. Fait que c'est un genre de jeu de puzzle, nouveau genre un peu. Bruno, tu me dis que c'était un dérivé d'un autre jeu, je pense. Ouais, ben il y a un type de jeu dans le genre sur les mobiles, genre Bomber ou un affaire de même, où tu lances une grenade puis elle rebondit sur plusieurs endroits. Tu sais, il y a aussi le jeu de golf, Stickman Golf, que ouais, c'est ouais, un ouais, peu ouais. C'est un ouais, peu ouais. Dans le genre aussi, mais je trouve que lui, justement, avec la direction artistique... Ouais, c'est vraiment cool. Tennis in the face, l'espèce de joueur de tennis avec les petits clowns, c'est super drôle. Il faut que tu tiennes compte quand même de la physique. La balle, à un moment donné, va perdre la vitesse, va rebondir moins haut. Fait que ça amène un aspect vraiment le fun à ce puzzle-là. Plusieurs obstacles qui vont s'ajouter pendant le jeu, de la vitre qui peut se casser, des affaires qui peuvent tomber. Des trucs. C'est vraiment de la chain reaction, un peu, des trucs en chaîne, là. Ça, il est disponible. C'est ça, il est disponible sur PS4 seulement. Hein? PS4 seulement. PS Vita, il me semble, ça serait bien. Il est peut-être sur PS Vita, en fait. Faudrait que je vérifie tantôt. Mais ouais, fait qu'il est gratuit à jouer. Puis si tu payes, il est pas très cher pour avoir tous les niveaux. Fait que. Non, ça a vraiment l'air. Un très bon investissement. Si vous voulez quelque chose qui joue vraiment rapidement, là, c'est très cool, ça. Des clowns dans un jeu, c'est toujours gagnant. T'aimes toujours défoncer des clowns dans les jeux. Mais ça. Ça fait bien trop peur, ça. Les maudits clowns. Ils sont les clowns. Ouais. Alors, c'était mes fun facts et ma recommandation de la semaine. Ah, c'est bien, ça. Merci, JF. Génial. Fait que sur ça, cette musique puissante, on va changer. On va parler, c'est ça. On s'était dit, en l'absence de Dominique, on avait de quoi de prévu ce soir pour le show. Mais c'est ça, c'était avec Dominique, puis c'était avec le rétro et tout ça. On s'est dit, on va faire de quoi de nouveau complètement. De quoi qu'on peut pas faire quand Dominique est là. Puis, on s'est dit, ben on va faire chaque console une contre l'autre. Fait que la Wii U contre la Xbox One contre la PS4. Donc, voir... Fight! Fight! Donc, c'est quoi nos meilleurs aspects de cette console-là, de ces consoles-là. Puis, on va commencer par la meilleure manette. Toi, Nick, c'est quoi ta meilleure manette de ces trois consoles-là? Écoute, honnêtement, là, j'aime bien le gamepad de la Wii U, mais la manette de PlayStation 4, on dirait qu'elle fit dans ma main. Ouais. Elle fit de même, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un petit pad à chatouiller. Il y a le fameux PlayStation Move de couleur qui est inclus là-dedans. Elle est relativement légère. C'est vraiment une évolution. Je suis content qu'il n'y ait pas fait comme la PlayStation 1, 2, 3 de reprendre la même. Ils ont vraiment amené ça à un nouveau niveau, selon moi, et ça marche vraiment bien. C'est vrai. Fait que la prise en main est très bonne, tu sais. Puis, tu sais, la Xbox One, j'en ai pas personnellement, mais j'en avais une avant au boulot. Puis, c'est pas la même prise. Honnêtement, c'est une très belle manette, ça va bien aussi. Mais c'est, je trouve que la PlayStation, pour moi, c'est vraiment mon choix numéro un. Je dirais, dans l'ordre, là, je mettrais vraiment PlayStation. Ensuite, je mettrais la Wii U, juste parce que c'est un gamepad. Il y a plein de possibilités avec ça. Ensuite, je mettrais la Xbox One. En fait. Ah, c'est bon. Moi, sérieusement, ben c'est ça. J'ai aucune hésitation à dire celle de la PS4, la nouvelle DualShock, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours aimé la DualShock. J'ai pas des super grosses mains. Fait que de prendre une DualShock, ça a tout le temps été plus facile que celle de la Xbox. Évidemment, celle de la Xbox, ils l'ont rapetissé. J'ai une Xbox One chez moi, puis je joue avec la manette. Mais j'aime la façon que les joysticks sont placés aussi. Ça, j'avoue, j'en parle au monde, puis tout le monde sont comme « Ah, ouais! » Parce que les joysticks sont pas placés au même endroit sur celle de la Xbox comparé à celle de Sony. Les joysticks sont tous les deux à côté des pads que tu tiens avec tes mains. Fait que c'est ça, ça change quand même la prise en main. J'aime le pavé tactile, j'aime le speaker dans la manette. J'aime qu'on puisse brancher nos écouteurs sur la manette directement. C'est très, très pratique. Quand t'as des enfants, ça n'a aucun sens comment ça change ta vie, un petit détail comme ça. Mm-hmm. Fait que non, je trouve que c'est vraiment une super bonne manette. La Wii U, j'adore le gamepad, mais je dois avouer je trouve ça triste à avouer, mais après avoir passé beaucoup de temps avec la console, quand j'ai le choix, j'utilise la manette classique, la Pro. Ouais. Parce que c'est vraiment... C'est agréable, puis dans des longues sessions de jeu, un moment donné, t'es tanné du gamepad, ouais. Je trouve. La Pro est vraiment intéressante. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est super légère. Oui. Encore plus légère que les autres. Puis la batterie dure longtemps de... aussi. Exact, la batterie est intuable. Il n'y a pas de chichi. C'est vraiment... justement, c'est comme un... C'est une belle... Belle alternative, ouais. En fait, pour jouer longtemps bien à des jeux un petit peu plus intenses au niveau ben oui. Gameplay. Puis même moi, je trouve que le Nintendo, je sais que ça se fait pas puis ça arrivera jamais, mais vendre la Wii U sans le gamepad, ouais. J'ai l'impression... c'est ça, ça non, ça mais... Ça peut pas se faire avec comme 99% des jeux qui requièrent exact, mais... une interaction. Là, fait que... Mais tu sais, c'est moi pour moi, ça serait un beau coup de marketing parce que, tu sais, il y a quand même une bonne couple de jeux que, ben franchement, à part voir la carte, tu fais pas tant de choses ouais. Que ça avec le gamepad. Fait que, tu sais, ça pourrait être une option intéressante. Puis sinon, la Xbox One, moi, en fait, la manette, je l'aime bien, puis elle fonctionne super bien. Par contre, j'aime moins les gâchettes derrière, puis j'aime moins le D-pad. Le D-pad ouais. Me donne l'impression d'être fragile. Ouais. J'ai l'impression qu'il va briser. Moi, je suis d'accord. Là, sur la Xbox One, je trouve que c'est l'élément qui a l'air un peu plus faible, moins précis. Ouais. Il y a quelque chose... je préférais celui de la Xbox 360. J'aime mieux globalement la manette du Xbox One, ouais. Mais le D-pad, je trouve que là, ça n'a pas été une amélioration. C'est là. Bizarre, ça. C'est ouais. Comme si ça avait régressé, parce ouais, que sur la 360, le D-pad, il était correct. Oui, il allait bien. Mais il y a même des gens qui l'utilisaient pour les jeux de fighting. Ouais. Mais tu vois, je pense, à part cet élément-là de D-pad, elle est quand même une manette supérieure au ouais. Xbox 360. Oh, pour oui. Moi, elle est quand même la troisième là, dans, oh, dans oui. Le lot. Là. Ouais, moi, je pense que j'aurais le même classement que toi pour les manettes. Là. Fait qu'en tout cas, on va passer à la prochaine catégorie. Ben, avant ça, mon seul reproche pour la manette de PS4, hey, oui, c'est la longévité de la batterie. Oui. Je trouve que c'est vraiment pas assez long. C'est 3-4 heures, puis ta manette est déchargée. Hein. C'est vrai, ça, que ça arrive assez rapidement. C'est, là. C'est ce qu'on me dit dans le chat aussi, là, c'est les critiques qu'il y a par rapport à la manette de la PS4, c'est vraiment la batterie. Là, ouais. Tu peux pallier à ça en ayant un long fil, honnêtement, ouais. Que tu vas commander. Ouais, mais c'est pas régresser un peu, tu sais, dans le Next Gen, ouais. De te plugger avec un fil parce que ta batterie est pas assez bonne. Totalement. Moi, en fait, j'ai contourné le système en ayant mes deux manettes, puis je n'ai tout le temps une de branchée. Ouais, ben c'est ce que mais je trouve aussi. Ça, ouais, je trouve ça dommage d'avoir à faire la ça. La deuxième à 60 $. Ouais. Parce que c'est souvent celle qui me dure le plus longtemps. Et celle de la Xbox One, elle me dure vraiment longtemps. Il y a des batteries dedans. Puis elle dure super longtemps. Je trouve ça plate d'avoir à utiliser des batteries, mais en même temps, ça dure vraiment plus longtemps que celle ouais. De la PS4. Puis la Wii U est surprenante au niveau qu'il y a un écran ouais. Là-dessus, puis ça meurt pas. Tu sais. Ouais. Là, c'est parce, ça doit être parce qu'il y a une énorme batterie. Là. Mais ça aussi, tu peux ben, jouer. Ça prend, c'est ça, ça prend 4 heures à peu près. Ouais, ben 4-5 heures, mais il y a un écran. C'est ça ouais. À peu près la même durée qu'une PS4. Oui, c'est ça, quand tu considères qu'il y a un écran dedans. Tu pourrais la tourner off. Ouais. Ça, mais comme tu as dit, la légère... La Gamepad Pro, là, ouais. Wii U, c'est pas tuable. Hey, c'est fou, là. Ça. Je sais pas quand est-ce que je l'ai rechargé. Tu débloques tout à Mario fois. Kart. Là, elle est encore bonne, là, mais ouais. Non, c'est assez impressionnant. Mm-hmm. Là. Mais toi, c'est GF, bon. C'est ça. T'as une PS4. Dans les trois consoles, j'ai juste la PS4 okay. En ce moment. J'avais la 360 avant. J'aimais bien la manette, mais PlayStation, c'est le temps dans le top pour moi. Là, la ouais, manette, ouais. Là... Puis ben le Wii U, le pad, j'ai joué un peu avec. Je trouve que c'est gros peut-être à longue. Ouais. C'est comme pas naturel. On dirait que tes mains sont trop placées larges. Là. C'est vrai. Mais qui est quand même une très bonne manette, là, pareil. Là. C'est une bonne manette, mais c'est... En fait, moi, c'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps, genre, mettons, si j'avais le choix. T'sais, dépendant ouais. du type de joueur que tu es. Ouais. Comme là, entre autres, moi, j'ai racheté Super Mario Galaxy 2. T'sais. Puis... Là, je suis comme, ah non, c'est vrai, faut que je ressorte ma Wiimote puis mon Unchuck. J'ai juste pas le choix. Je peux pas jouer avec des contrôles classiques à ce jeu-là. Ouais, ouais. Ça me dérange. Genre, ça, j'ai l'impression comme de t'sais, qu'on a passé cette étape-là, là, qu'on avait besoin de faire des zing-a-ling pour jouer à nos jeux. Puis là, ben, t'sais, tu te remets là-dedans. Tu sais, comment, t'sais, oui, c'était une autre façon de jouer, mais c'était. C'est peut-être pas nécessaire à longue, tu sais. Mais moi, j'aimais, honnêtement, particulièrement le combo Nunchuk et Wiimote, parce que quand on jouait pour des longues périodes de temps, Si t'avais tu pouvais accoter ta main à terre. Puis... tu mettais ça sur tes deux cuisses, là, mollement, là, c'était comme tu jouais. Là. Tu peux jouer des heures, tu sais. Je rappelle justement Xenoblade Chronicle. Ouais. Tu joues des heures, là, super veg. ça, tu peux pas faire ça avec une manette. Là. C'est très vrai, ça. Il y avait vraiment un côté de repos là, possible. Ouais. Là, fait que, ça... Moi, c'est dès que tu avais de quoi à pointer à l'écran, je suis comme... Oh, ah ouais, non. C'est ça. Faut que je pointe. Ah, j'ai mal au bras. Puis là, tu pointes ton pointeur, à, t'sais, ton sensor en haut, il est un peu mal placé. Ouais. Fait que là, ça ne catche pas trop. C'est où? C'est comme... Ah! Avec mes enfants, c'est tout le temps ça, genre, à toutes les fois qu'ils pointent à l'écran, ça pointe jamais à la bonne place. Faut tout le temps que je le fasse pour eux autres, puis tout ça. Fait que je suis content qu'on soit rendu ailleurs avec Nintendo, là. Mais en tout cas, bref, PS4 pour la manette, ça, c'est pas mal sûr. Après ça, on pourrait pas... Moi, c'est ça, là, j'avais écrit les points en ordre, mais je passerais directement à meilleur processeur graphisme. Parce que en fait, si on parle en termes de technique puis tout ça, je pense que la PS4 est en premier, la One est en deuxième, puis la Wii U est en troisième. Oui, tout à fait. Les tech specs, la PS4 était un petit peu supérieure à la Xbox One. À l'époque, quand ils les avaient annoncés, les deux, quand la ils Xbox avaient One annoncé. Était un petit peu à l'avant, mais ce qui s'est matérialisé dans le produit, finalement, c'est la 360, pas la 360. La One. Au lapsus. La One qui est finalement deuxième, puis la PS4 qui est première. Tu sais, moi, je suis d'accord, puis Nintendo un petit peu moins. Tu sais, c'est intéressant d'avoir du gros pouvoir brut, mais il reste à voir ce que tu fais avec tout ça. Exactement. Tu sais, au niveau de... Je pense qu'on peut comparer la One puis la PS4, tu sais, sur un piédestal, mais les deux, un pied d'égalité, c'est-à-dire parce que les mêmes jeux vont sortir souvent. C'est un port. Puis là, tu vas dire, au début, quand elle est sortie... Tu sais, puis je pense que le kit de développement Xbox One est un peu moins bon. Tu sais, il y a des jeux qui sont sortis, ils étaient 1080 sur la PS4, puis 720 sur l'autre. Tu sais. Fait que là, ça, je pense que c'était quelque chose qui a fait vraiment que les gens ont dit bah, écoute, on va aller vers la PS4. Ouais. Là, Xbox ont un petit peu modifié puis corrigé le tir, mais il reste que techniquement, la machine de PS4 est puissante, là, selon ma compréhension. Et supérieure, sauf c'est ça, des fois, tu sais, comme. Souvent, tu joues à des jeux dédiés, mettons, des exclusifs, comme, mettons, j'ai joué à Sunset Overdrive puis à Halo Collection, mais Halo Collection, en fait, c'était plus une version HD, mais si je prends Sunset Overdrive, quand je joue au jeu, je suis comme, bah, je vois pas comment ça pourrait être plus beau. Là, tu sais, j'ai pas besoin de plus que ça. Si je joue à Pikmin sur la Wii U, je suis comme, c'est magnifique. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin de quelque chose de plus beau. Fait que, des fois, c'est ça, t'es mis côte à côte, puis c'est comme moi, hein, Tu sais, il y a des moments, c'est vrai, sur la Wii U, je me suis dit, ben, j'ai besoin de plus, là. Tu sais, j'aimerais vraiment ça qu'il n'y ait pas de. Il n'y ait pas de petit carré sur le coin, puis qu'il y ait de l'anti-aliasing partout sur le tour, puis que ça soit vraiment propre. En même temps, c'est pas ça qui fait le jeu, puis j'ai l'impression que c'est ça chez Nintendo, le style de jeu qui sort. Il se porte bien quand même à avoir une machine un petit peu moins puissante. Peut-être moins pour Xenoblade, là, qui est très, très détaillé. J'ai hâte de le voir en vrai, là, mais... Ouais, j'ai hâte de voir moi aussi, mais je pense que dans le fond, tu sais, on l'a vu avec les jeux rétro, je pense que ce qui fait que t'es un bon jeu, un grand jeu, un classique, c'est comment tu utilises ton médium, tu sais. Ouais. Tu regardes des jeux de NES, tu sais, il y en a qui ont très bien vieilli. Oh, oui, vraiment. T'sais, tu regardes Mighty Final Fight que Dom a parlé récemment, tu sais. Ça, c'est vraiment avec le même hardware, c'est la coche technique qui est là. Si tu compares ça versus Urban Champ, ou des vieux jeux de net, tu vois que OK, là, ils ont utilisé le hardware au maximum, puis c'est quelque chose de vraiment beau, esthétique. Ouais. La Wii a vécu ça aussi avec les jeux de fin de vie. Ouais. La Wii U, déjà, Bayonetta 2 était très beau, je trouvais. Oui, vraiment beau. Que, c'est sûr que c'est un peu... C'est décevant parce qu'on peut pas avoir des ports purs... C'est comme des mêmes jeux que la PS4, la Xbox One. Il ne peut pas porter juste sur la Wii U facilement comme ça. Oui. Fait que ça, c'est, je pense, c'est un petit désavantage. Mais ultimement, quand tu regardes la qualité des jeux, ben là, tu te dis, bon, regarde, ils s'adaptent à leurs médias puis ils font quelque chose d'intéressant. Non, c'est ça. Je pense que oui, techniquement, on a quand même le PS4, Xbox One puis la Wii U en dernier. Mais il y a quand même... ça se reflète pas tant que ça dans le jeu au niveau du plaisir que tu vas ressentir. Non. C'est sûr que si t'es un fan fini de graphique HD, là, ton choix, c'est clairement pas c'est Wii U, ça. Là, mais si tu aimes juste les jeux en général, à ce moment-là, si tu veux du bon gameplay, ben ça change rien. Là, fait que... Non, c'est ça. Puis en plus de ça, c'est parce que il y a des... Moi, ce que je trouve qui est poche, c'est que là, oui, on a la PS4 et la Xbox One qui ont énormément de puissance, mm-hmm. mais en même temps, oui, il y a de la puissance, mais il y a beaucoup plus de jeux 2D qu'avant. C'est quoi ça, cette affaire? Je pense que c'est la track à Dom, là. Il a mis des sons de jeux dedans. Là. Non, je pense que c'est la machine Mortal Kombat qui s'est réveillée tout seul. Ah, je vais aller la fermer. Elle dit, ça fait trop longtemps, vous me touchez pas, je vais faire quelque c'est chose. C'est vrai. Mortal Kombat est parti tout seul dans l'arcade. Aïe, aïe. Mais bref, ce que je disais tantôt, en fait, c'est que il y a plus en plus de jeux indépendants qui n'utilisent pas pantoute la force de graphisme, tu sais. Oui, mais tout à fait. Tu sais, c'est vraiment des jeux qui vont dans plus au niveau du style. Ouais. Tu sais, il y a même du 8-bit ou du 16-bit que les gens vont aller sortir là, sur exact. Des consoles. Exact. Il y a une chaise, puis le bouton il est en haut. Ça veut rien savoir. Dom, c'est toi qui contrôles tout ça de chez vous, puis t'es en train de nous troller solide. C'est peut-être genre un des Easter eggs de Mortal Kombat que personne n'a jamais trouvé. Si tu touches pas à manette en mode silencieux pendant genre une heure et demie, il se passe que genre, tu peux jouer avec Noob Saibot ou je sais pas quoi dans c'est Mortal incroyable, Kombat 1. Pas tout le temps. Mais c'est ça, bref. Moi, c'est ça, c'est que je trouve que oui, on a beaucoup de puissance maintenant, mais on n'a malheureusement pas tout le temps les jeux pour justifier cette puissance-là. Ouais. Fait que, tu sais, puis ça dépend aussi de ce que tu recherches dans une machine. T'sais. Moi, je veux des bons jeux direct au départ, c'est certain, puis je veux la meilleure offre, mais en même temps, je pense que les trois consoles offrent quelque chose d'assez intéressant. Je pense qu'il y a des joueurs type aussi qui vont aller chercher quelque chose dans chacune des consoles. Ouais. Fait que, on peut se reconnaître. On parlait de la manette de Xbox tantôt. C'est certain qu'il y a des gens qui ont grandi avec ça. Puis pour eux, c'est la meilleure manette. Là, c'est vraiment une question de goût, de préférence. Ben, juste le placement des deux joysticks, j'en parlais avec beaucoup de monde. Puis tout le monde a vraiment une opinion différente par rapport à ça. Il y a beaucoup de gars qui font de la compétition de first-person shooter. C'est la manette pour pour eux autres. Là. C'est celle de la Xbox One. Ben, c'est sûr que, honnêtement, d'un point de vue, là, on revient sur la manette, mais d'un point de vue là, purement là, ergonomique. Ce qui s'est passé, pourquoi on est pogné avec les deux joysticks de la PS4, puis c'est un héritage de la DualShock 1. Exact. Ils ont juste pogné la manette régulière, puis ils ont slappé deux sticks en gros, parce qu'il y avait un trou dans la manette. Okay, ça n'avait pas été pensé tant que ça. Là. C'était juste genre, il y a un trou sur la manette, on va mettre deux sticks. Là, c'est devenu ça, là, ça a évolué. Là, à un moment donné, tes mains se sont adaptées. Ouais. Sûrement que tes os ont changé de forme. Ouais. À longue, tu sais. Fait que la Xbox, je pense qu'elle a été un peu plus étudiée pour ça. Là. Ouais. Mais fait que c'est vraiment une question de préférence. Avec quoi t'as pu jouer dans ton jeune temps? Là. Ah ben oui. Puis comment tes os ont bougé là, en fonction de la manette. Je suis tout déformé maintenant. Ouais, ouais. Comme je pense que ça nous amène un segway au niveau de possiblement les meilleurs exclusifs. Oui, les meilleurs exclusifs. Ouais. Les meilleurs exclusifs, moi, j'étais un peu mitigé, mais je te dirais que Xbox One, présentement, ils sont pas rendus là. Ils ont des super bonnes annonces, puis moi-même, je m'étais dit, ben j'achète la Xbox One mois de mars ou plus tard, parce qu'il y avait Ori and the Black Forest, qui sortait, puis j'avais tellement hâte de jouer à ce jeu-là, mais j'avais aussi hâte de jouer aux autres exclusivités. Il y a le jeu de la gang de Remedy qui va sortir, qui a l'air excellent. Puis il y a plusieurs autres jeux que là, j'ai pas en face, mais qui sont quand même assez intéressants pour la Xbox One, mais ils ont tous été reportés, mm-hmm. puis ils ont tous été repoussés. Puis là, présentement, sérieusement, côté exclusif, il y a pratiquement rien. Là. C'est vraiment le vide. Puis ça, je trouve ça dommage parce que ça donne pas nécessairement le goût d'acheter cette console-là parce qu'elle a quelque chose de plus que la PlayStation 4. Ouais. Je pense que la personne qui va acheter la Xbox One présentement, c'est pas à cause des jeux, c'est à cause que c'est une personne qui était sur 360 puis qui est fidèle à cette marque-là puis à cette ergonomie-là. puis qu'il va vouloir la. Ouais, peut-être qu'elle aime aussi le setup de la Xbox One parce que tu peux. Ouais, c'est ça, il y a l'interface tout ton, ça. Vidéo là, ouais. Au travers de la console. Là. D'ailleurs, ça devrait être un des points, on en parlera après de ça. Mais c'est ça. Sinon, côté exclusif, Nintendo est très fort présentement. Là. Ils ont vraiment. Au départ, quand c'est parti, c'était pas top, mais là, avec le temps, là, on a Mario Kart, on a un Smash, on a pas de Zelda encore, par exemple. Ouais. Ça manque grandement. Clairement, là, tu sais, je dirais qu'à ce point-ci dans le temps, si tu regardes tous les exclusifs, là. Ouais. Moi, quand même, je vais donner la palme à Nintendo, là, parce que quand même, c'est ça. T'as un Mario Kart, un Smash, plusieurs Mario. Ouais. À ta saveur, choisis celui que tu veux. Tu ouais. Pikmin, que j'ai trouvé intéressant oui, aussi. Très intéressant. Il y a Bayonetta 2 et 1 qui est ressorti. Captain Toad, adoré. Captain Toad, ils ont vraiment ils ont quelque chose. T'sais, ça reste Nintendo, c'est leur franchise. Mais il y a juste eux qui font ça. Ben, c'est ça qui est incroyable. C'est ça leur recette. Là, dans le fond, eux, c'est la plupart des jeux qu'ils vendent, c'est des first party. Il n'y a plus grand third party non plus sur la Wii U. Des non. Quand tu es chanceux, tu as un port. Beaucoup de jeux indépendants. Oui, les jeux indépendants, ça a la grosse machine. Mais fait qu'ils sont pas mal rendus dans un créneau à part. Là, mais ils sont intéressants, leurs exclusifs. Ouais. Fait que pour moi, je regarde au niveau de la PS4, il y a des affaires intéressantes. Oui. Mais on peut pas dire qu'il y en a des millions. Il y avait The Order. Les exclusifs, il n'y en a pas tant que ça, des Bloodborne, intéressants. Il y a Bloodborne, The Order, il y a eu... voyons, Colin, c'était... Ben non. Tous les jeux que je pense, justement, c'est pas exclusif. C'est ça, la One aussi les a, tu sais. Ouais. Fait que à ce point-ci, c'est certain que si on a la discussion dans 3 ans, là, tu sais, Uncharted va être sorti. Ouais. Il y a Street Fighter 5 qui va être une exclusivité PS4. T'sais. C'est vrai. Là, on revisitera tout ça là, quand ça va être sorti. Mais il va y avoir le Zelda qui va être sorti aussi dans le temps. Puis peut-être que Xbox aussi vont sortir une carte cachée magique. Exact. Un genre de... Le 3 risque d'être prometteur de ce côté-là. Ça, parce que les trois compagnies ont de quoi prouver cette année. Là. Tout à fait. Il me semble qu'on dit ça à toutes les années, mais il y a tout le temps des enjeux durant l'année qui fait que. Sont comme pris à gorge un peu, genre, faut que tu sortes des jeux, faut que tu annonces des jeux, là, t'as pas le choix. Ben, la compétition est féroce, là, tu sais, c'est un marché aussi. Tu sais, les consoles, c'est des cycles, on parle de genre de 5 ans à peu près, tu sais, fait que t'en achètes une, t'en rachètes pas, fait que, tu sais, ton choix est important. Puis eux, ils font un peu d'argent sur la console, mais c'est vraiment plus la cote qu'ils se prennent sur la vente de jeux. Ouais. Ils veulent absolument que t'aies leur console dans ton salon. Ouais. Parce qu'à partir du moment où, là, tu vas acheter des jeux, ben, ils vont se faire une petite cote là-dessus. Ben oui. Non, puis question exclusive, tu sais, je regardais ça, c'est pas des exclusifs, mais on dirait qu'on est dans une ère de remake HD, tu sais. J'ai vu même récemment Capcom ont littéralement dit c'est notre nouvelle stratégie pour l'année, on a l'intention de relancer tous nos jeux les plus populaires en HD parce que ça marche, parce que les gens les achètent, puis c'est pas cher à produire, c'est pas très compliqué à faire. Couple d'artistes techniques, des artistes aussi, peut-être, qui vont te faire des textures. T'sais, des fois, ils changent même pas les modèles 3D. Ouais. Fait que slap ça là-dessus. C'est genre un nouveau menu, puis let's go, une bande-annonce. C'est fou, pareil. Ouais, mais c'est tellement moins cher qu'un nouveau jeu. Puis des fois, c'est des jeux de qualité, puis tu te dis, bon, mais garde, si tu l'as manqué dans l'original ou que tu as vraiment une belle expérience, tu vas le refaire. Là. Mais moi, c'est ça, je suis pas contre ça. J'ai vu du monde qui il sortirait dans la rue avec des pancartes pour ça. Puis je trouve ça un peu ridicule. Je me dis, tu sais, on nous donne des jeux. Ben, mon point, c'est que genre, si tu l'aimes pas, achète-les pas. T'sais. Ouais, exact. La job va se faire tout seul. Là. Mais c'est parce que c'est le fun si tu l'as manqué. T'sais. Ouais. Si tu l'as pas, si t'as pas joué, là, je veux dire, admettons, quelqu'un qui a jamais joué à Resident Evil, là, s'il fait jouer à la version HD, c'est génial. Là, c'est vraiment. Final Fantasy, God of War, Shadow of the Colossus. T'sais, c'est tous des jeux qui finalement ont été. Ressorti avec un petit peu de d'attrait vidéo là, de plus. Là. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment Final Fantasy VII remake. Mais ils ont fait une version avec des meilleurs graphiques, juste les textures, en fait, puis c'est pas ça. Moi, je veux un remake, là, vraiment. Oh, là. Oui. Que des fois, on attend ça. Là, ça serait un killer exclusivité de PS4 s'ils seraient capables d'aller chercher c'est sûr, ça. Là. T'sais, ils nous avaient teasé avec la PS3 en faisant un genre de... de bande-annonce, là, de, mais finalement, c'était pour démontrer comment la PS3 était belle et bonne. Là. Mais ouais, on attend ça. Ouais. Mais c'est ça. Pour les exclusifs, moi aussi, je donne la palme à Nintendo parce qu'ils en sortent plus que les deux autres de toute façon. Ouais, ils ont vraiment une bonne librairie. Ouais. Là. Puis c'est ça. Puis les deux autres ont encore beaucoup à prouver de ce côté-là. Là. C'est pas gagné ni d'un bord ni de l'autre. Non, encore. Je pense que la lutte va être longue. Là, mais je sais que Sony ont des gros titres là, qui s'en viennent, des gros canons. Donc j'ai hâte de voir. Là. Xbox doit répondre. Fait que, ben on oui. va attendre le 3 là, pour voir ce qui s'en vient. Yes. Fait que prochaine affaire, on va parler du point que j'avais pas écrit, mais qui est très intéressant. L'interface. Ouais. Le iOS. Le operating system. Ça, je trouve intéressant ce point-là. Honnêtement, moi, j'aurais de... C'est très difficile, en fait, là, de faire un choix sur cette catégorie-là. Ça dépend ce que tu cherches, ouais, en fait. Exactement, tu sais, parce que il y a quelque chose que je trouve de vraiment sleek, de la façon dont la PS4 est faite. Ouais. Est vraiment améliorée par rapport à ce que la PS3 était, selon moi, au niveau de l'usabilité. Ouais. User-friendliness, disons. Oh, ouais. Moi, je trouve ça vraiment agréable à naviguer. Tu sais, c'est assez facile. Tu peux vraiment vite aller à quelque part. J'aime beaucoup la simplicité de Nintendo où tu as ton menu, tu sais, là, t'as une espèce de Miiverse qui parle, tu sais, puis tu viens sélectionner des icônes. Je trouve que c'est facile d'accéder rapidement à ce que tu veux. Oui. Puis Nintendo a rajouté quelque chose que j'aime au niveau du Rapid Launch. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ce feature-là. Oui. Moi, j'utilise tout le temps. Soit le dernier jeu que tu as joué ou Netflix, un classique avec les enfants. Là, tu sais, je dirais qualité de vie, interface, pour moi, Nintendo... Il est vraiment là. Là. Oui. Je peux launcher ce que je veux rapidement. Que ce soit YouTube ou Netflix. Je rouvre la console, je pèse sur mon dernier jeu que j'ai joué ou les autres applications que j'ai faites de façon populaire. Oui. Fait que je trouve ça vraiment pratique. Par contre, le look and feel de la PS4, il a l'air plus sleek. Oui. La Xbox One aussi est belle. Je la trouve jolie. Mais je pense que je préfère la facilité d'utilisation de la PS4. Mais c'est ça, celle-là de la Xbox One, je me perds dedans, littéralement. Là, parce qu'il y a tellement de cases à l'écran, il y a tellement de stock que je suis perdu à un moment donné. Je mais sais c'est pas modulable, ça, je pense. Ces cases-là, c'est toi qui choisis ce que tu veux afficher. Si exactement. Tu choisis ce que tu veux montrer, mais jusqu'à un certain point. Il y a quand même une base qui reste là, puis c'est quand même... C'est pas mal. Il y a pas mal de stock à l'écran Windows pareil. 8, tout ça était packagé à l'époque. Ils ont un écosystème qui veulent, ils veulent contenir tout ça là, à la même place. T'as un ordinateur, t'as la machine, t'es à la même place. T'es pas perdu si t'as juste des produits Microsoft, mettons. C'est ça. C'est toute la même interface un peu dans les téléphones, dans Windows 8. Puis tout mais moi, personnellement, j'aime pas ça. J'aime ça qu'il y a un gars qui a pensé à mon interface. Ça va être facile. T'sais. Apple me fait ça. Sony l'ont fait. Nintendo l'ont fait. Puis eux, ils me disent, bon, mais tu vas faire ça de même. Je dis, OK, tu as pensé, puis c'est bien fait. C'est sûr que si c'est tout croche, j'aime pas ça. Mm. D'aller, je suis pas un gros fan de personnaliser mes interfaces. T'sais. Moi, je veux que ça marche. Je boot ça. T'as comme la PlayStation, je trouve, qui te donne pas assez de contrôle d'un autre côté. C'est ça. Tu peux pas classer tes jeux dans la PlayStation. Tout est dans la lignée un après l'autre, puis tu peux pas te faire des dossiers comme tu avais sur la PS3. Puis il y a un manque un peu, je trouve, dans cette interface-là. Là-dessus, moi, je trouve qu'ils en ont perdu un peu parce que le XMB, ce qui était le fun, c'était ça. C'était pouvoir tout faire, en fait. Tu pouvais arranger ça comme tu voulais, mais aussi, tu pouvais aussi effacer des trucs plus facilement. Avoir accès à tes sauvegardes plus facilement. Il y a des choses que j'arrive pas à faire avec la PS4, entre autres. Problème bien niaiseux. Dernièrement, j'ai joué à Battlefield Hardline. Je jouais surtout avec un disque. Là, j'ai plus le disque. Fait que là, je me suis dit, je vais acheter la version digitale. J'achète la version digitale, je la télécharge. Non, tu peux pas la télécharger parce que tu as installé une version disque auparavant. Fait que là, si tu veux la télécharger, efface la version disque pour pouvoir mettre la version téléchargée. Fait que là, j'ai fait ça, mais en faisant ça, je perds ma sauvegarde. Sérieux? Fait que là, c'est vraiment niaiseux. Oui, c'est vraiment niaiseux. C'est pas dans le cloud à quelque part. Ben c'est ça. Fait que là, j'attends de voir. En fait, là, j'ai pas fait de partie encore depuis que j'ai installé ça. Je l'ai acheté genre hier parce qu'il était encore en spécial. Puis... c'est ça, puis j'ai pas parti de game encore. Mais mes parties, je sais pas, sont où dans l'interface. J'ai aucune idée. J'ai pas vraiment moyen de rentrer là-dedans. Fait que ça me fait penser, entre autres, pour ceux-là qui ont des Mac, à quand on est passé de macOS 9 à macOS 10. Au 9e, tu avais un contrôle de toute la patente, puis 10, il t'enlevait tout, puis là, tu voyais plus rien nulle part, puis tu paniquais, tu sais. Mais c'est un peu ça, tu sais. J'aime beaucoup les interfaces plus simples, puis j'aime pas les interfaces trop complexes, mais j'aimerais ça comme avoir un entre-deux où tu as quand même un certain contrôle de ton contenu, tu sais. Parce que là, c'est ça, Nintendo, t'as pas vraiment contrôle sur ton contenu. T'en as, en fait, quand tu vas dans le menu configuration, tu peux faire pas mal ce que tu veux au niveau de tes save games. Il y a un paquet d'affaires que tu peux faire. C'est dans le menu config, mais tu sais. Ouais. Je pense qu'il m'énerve de Nintendo, c'est le loading. OK. Quand tu. Admettons que je veux changer quelque chose, ou même si je veux aller dans, admettons, la liste de mes téléchargements, mais je clique dessus. Des fois, ça y prend là, comme un bon 30 secondes là, à ouvrir. Puis là, il va finir par ouvrir. Puis là, je vais scroller. Puis là, finalement, je vais arriver en bas puis je vais voir mes affaires. Bien là, présentement, j'ai pas de disque dur externe parce que je n'ai pas vraiment de besoin. Okay. Moi, en fait, je suis un gars assez économe là-dessus, sur la Vita. Puis ça m'a vraiment... Ça a changé ma façon de faire, en fait, sur Vita. Moi, j'ai une 8, puis je fais du ménage sans arrêt. C'est pas quelque chose qui me dérange. Tu sais, je suis correct avec ça. Je vis bien avec ça. Fait que, tu sais, je n'achète pas un autre. Fait que j'ai pas acheté de disque dur sur ma Wii U. À un moment donné, je suis comme, ben, à place de juste comme mettre un autre disque dur puis d'oublier ce jeu-là, ben, je vais le finir. Puis quand je vais l'avoir fini, je vais le déléter puis je mettrai l'autre, tu sais. C'est une bonne approche. T'sais, moi, je finis jamais rien. J'arrête pas d'accumuler. Je délite jamais rien. Tu sais, je suis comme, ouais, je vais revenir à lui. Ouais, c'est ça. Jamais, là, c'est... Ah non, quand t'as tous tes jeux, c'est comme... peut-être pas, tu sais, finalement. Mais le pire, je pense que c'est ce qui se passe avec le PlayStation Plus. Là. Ouais. Tu downloads comme un port. Ouais, je vais jouer, tu sais. Là, t'es comme... moi, j'ai atteint la limite de mon 10-2 de PS3, tu sais. Là, je suis comme... Ah, t'as à boire. Là, qu'est-ce que je fais? Je regarde tout, là, je dis, ouais, OK, c'est sûr que c'est un jeu de Sherlock Holmes, là. Je suis pas sûr que je vais jouer, tu sais. Là, tu délites, mais à la pièce, tu sais, fait que... Ah, il y a ça, moi, là, ça fait très longtemps que je suis posé jouer à Dishonored, tu sais, que j'ai... Que t'as eu gratuit. Oui. Moi, j'avais plus de place Dishonored, fait que là, je disais, OK. Ah, moi, je l'ai téléchargé, parce que c'était vraiment un bon jeu, puis tu sais, je l'ai commencé, mais je suis vraiment pas rendu loin. Ouais. Fait que là, je me dis, crème, faut que je joue à ça, puis après ça, ben, il y a un jeu qui sort sur la PS4, la Wii U, la One, fait que là, je fais, il y a trop d'affaires. Ouais, on est dans le next-gen, tu sais, fait que je veux la nouveauté. Mais c'est ça, côté interface, moi, moi, j'irais avec la PS4 parce que c'est clean puis ça se fait bien. Ouais. Mais la Wii U, en même temps, comme tu viens de dire, elle te donne plus de contrôle puis elle est simple. Ouais, moi, j'aime le quick launch. Là, pour moi, c'est genre, je pars la console, le gamepad est là, je clique dessus, je suis dans mon jeu en un clic. Là. C'est ça. Donc, ça, c'est pour moi, c'est vraiment gagnant. Là. C'est un feature qu'ils ont rajouté par rapport à ça. Moi, je pense que j'irais à Wii U. Ouais. Même si le loading est long, là, ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent arranger parce que ils ont déjà essayé d'arranger, puis ça a arrangé un peu, mais le temps de chargement est long. Même ça arrive des fois que j'ouvre le store, puis il gèle complètement. Ouais. Il ne se passe plus rien. Le store, des fois, est long à loader. Ouais, c'est long, là, des fois. Puis là, tu as la toune qui passe super rapidement là, après quand tu es dans le store. Il y a un mini-game comme ça, là. Ça, ils ont compris. Ah, le mini-game, tu fasses tout le temps, tu réussis tout le temps. Exact. Aïe, aïe. Mais en tout cas, ils pensent à tout. Puis moi... Il y a une autre affaire aussi que je voulais ajouter que j'ai pas mis là-dedans, puis c'est ce que tu peux faire avec ta machine qui n'est pas jouée. Tu parles du Media Center, entre autres, j'imagine. Oui. C'était un point que je voulais amener, ça, d'ailleurs, le Media Center. Là. Parce que la PS4 en a perdu. Énormément, oui. Mais tes AVI, tes MPEG là-dedans, puis non, ils ne branchent pas. Une clé USB avec un MP4, ça marche même pas. Ouais, tout à fait. C'est une régression là, totale. Au niveau du streaming, c'est une grosse régression. Je pense que ma PS3 est dans mon salon encore juste à cause de ça. Mais j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Moi non plus. Parce qu'ils vendent des films. Sony veut te faire louer un service à la Netflix ou de location, en fait, qu'ils veulent que tu utilises. Oui, ça, pour les films, je peux comprendre. Mais que tu puisses pas streamer, mettons, de ton propre PC, tes propres vidéos, c'est un peu niaiseux parce que tu l'avais l'option dans le PS3 pour le faire. Ils disent qu'éventuellement, ils vont le supporter, mais moi, je pense vraiment qu'ils veulent t'habituer à leur service. Peut-être, là. Puis, tu sais, Parce que leur compétition directe, Microsoft, le font très bien. Puis eux autres, au contraire, eux autres, c'est peut-être, ça a été vendu comme une console qui te permet de faire tout sauf jouer au départ. T'sais. Mais je pense que tu as besoin d'acheter un apps pour le faire. Oui, oui. Mais après, oui, tu peux utiliser ta librairie de PC. T'sais. À ce point-là, je pense que la Palme va aller définitivement à Xbox One. Ouais. Tu peux avoir un Media Center avec. T'sais. Et en plus, comme on a dit tantôt, où tu vas pouvoir connecter tes autres entrées, tes outputs vidéo dans ta console qui va devenir ta seule source. Mais le problème avec la Xbox, c'est que étant donné qu'elle fait tout, tu as peut-être besoin de seulement cette machine-là dans ton salon, mais si elle brise, c'est un peu comme dans le temps que tu avais un VHS dans ta télévision directement. Si ton VHS brise, tu perds la TV. Oui. Fait que ton Xbox brise, il faut que tout change puis tu perds toutes tes connexions. Ouais. Tu te fiches juste sur la Xbox, mettons. Oui. Mais ben, tu peux aussi dépluguer puis manuellement aller les plugger. Ouais, peut-être. Puis on se lève jamais dans notre salon, c'est qu'il faut pitonner à distance. Là, non, il faut être le plus lazy possible, le moins bougé. Mais au moins, il offre, tu sais, justement, là, aller accéder à ta librairie de PC. Mais c'est une offre que tu n'as pas du tout avec PlayStation. Puis même Nintendo, je pense, n'offre pas Nintendo ça sur la Wii. Non, Nintendo fait pas. Nintendo touche pas à ça du tout, en fait. Ouais. Eux autres, ils se concentrent vraiment. Mais on juste est habitués avec ça de leur part, mais PlayStation, ils ont vraiment régressé de ce côté-là. Ouais, c'est ça l'affaire. Ils t'ont donné un bonbon pour te l'enlever. Ouais, c'est ça. Il est bon le bonbon? Donne-moi-le! Mais Nintendo aussi, qu'est-ce que tu le passé avec TV? Ah, tu sais, TV je que sais, j'avais installé, que je m'étais dit, j'embarque Nintendo, je suis là. Je pense que ça n'a pas levé. Colin. J'ai aucune idée de ce qui se passe avec ça. Hey, c'était vraiment moche. Ça, Nintendo TV, là. Comme Vidéotron et Belle étaient supportés. Puis tu voyais certains de tes programmes. Puis il y avait même des vignettes avec des photos. C'était quand même intéressant. Puis moi, je trouvais le concept intéressant parce qu'en fait, contrairement aux autres consoles, ben, tu as le gamepad. Puis avec ton gamepad, ça va bien naviguer, voir ton menu, ce que tu vas écouter à la télé et tout ça. T'sais. Mais non, c'est pas aller plus loin. Pas en tout, là. Ah, je sais pas vraiment. Honnêtement, ça a dû être canné. On n'entend plus vraiment parler. On va regarder. On voit l'icône est encore en bas dans mon gamepad. Puis je suis comme, pauvre toi, tu sais. Il manque juste des petits yeux. Sorry. Tu sais, mais ça sert à rien, finalement. Ça sert un peu à rien. Puis ils ont des affaires comme ça, en fait, Nintendo, que je trouve qu'ils devraient juste comme arrêtez. C'est tant qu'à donner un service à moitié parce que c'est pas vraiment ce que vous faites dans la vie, offrez-le pas. T'sais. Parce que le web browser, le furteur web, c'est mon préféré, moi, sur la Wii U. Ça m'arrive souvent d'aller sur la Wii U puis d'aller sur des pages web parce que ça se navigue super bien. C'est encore Opera qui est là-dessus? Ça doit pas... Opera, c'est sur la Wii. Oui, Opera, c'est sur la Wii puis c'est sur la 3DS, mais même là, sur la 3DS, je suis plus sûr que c'est Opera. Mm-hmm. Mais non, ça fonctionne super bien puis ça se contrôle vraiment bien. Sur la PS4, ça va quand même pas pire avec le pavé tactile qu'il y a sur la manette. Ouais. La Wii U, ils disent que c'est le NetFront Browser. Fait que c'est vraiment un browser dédié à Nintendo. C'est ça, c'est dédié à Nintendo. Puis sur la Xbox One... Mais c'est le Apple WebKit en arrière, fait que c'est supporté par Chrome puis par Safari en dessous. Fait que c'est peut-être un skin comme par-dessus ou un genre de mode de ce kit-là, WebKit. Okay. Parce qu'il est très bien. Il va vraiment, vraiment bien, sérieusement. La navigation est fun. Justement, le stylet, c'est assez naturel. Ouais, c'est comme une chose. C'est idéal, là. Mm-hmm. Non, puis Xbox One, j'ai essayé tout ce qui se faisait avec. Jusqu'à date, l'affaire qui me surprend le plus et la plus impressionnante, c'est le chat vidéo. Parce que ta caméra, elle te suit, tu sais, partout où tu vas. Ce qui est un peu freakant en même temps. Puis, quand tu es en bobette dans ton salon, elle te suit. Elle te suit. Mais non, c'est ça, c'est quand même assez intéressant tout ce que tu peux faire avec ça, justement, voir des films, être propriétaire de ton contenu puis de faire ce que tu veux avec. Mm-hmm. Ça marche au bout. Tu peux définitivement faire pas mal plus d'affaires avec ta console avec la Xbox One. C'est ça. Sauf que d'un autre côté, ben c'est ça. Tout dépendant, c'est les jeux comme tels jusqu'à date, c'est pas la force de la One. Ouais. Fait que, mais côté Media Center pis tout, ils torchent, là, ils l'ont. Ça paraît qu'ils font des ordinateurs. Puis même, c'est ça. PlayStation, en fait, moi, je m'attends pas nécessairement à ça d'eux autres, mais je me dis. sais, ce serait cool quand même de faire, hey, regarde, ça, c'est un système update. Maintenant, vous pouvez avoir plus de contrôle sur tout votre matériel. Ça, ça serait le fun parce qu'en fait, en jasant, à soir, je me rends compte que c'est eux autres qui... manquent des affaires. Oui. C'est eux autres qui tiennent les clés du château fort. Là. Tu peux pratiquement rien faire. Là. Fait que ça, c'est un petit peu dommage. J'espère que ça va changer à l'avenir. Ouais, ben il reste encore du temps pour eux autres. Oh, vraiment. Peut-être leur machine. C'est un début du cycle quand même pour eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est souvent ce qu'ils rappellent. Ils disent, tu sais, c'est pas hardware, c'est software. Puis tant que c'est software, on peut faire n'importe quoi. Ouais. On peut vraiment tout changer. Fait que c'est ça. Après ça, je disais la meilleure valeur. Parce que la meilleure valeur, dans le sens que il y a un prix qui est demandé en magasin. Il y a des bundles qui se font. Puis toutes les compagnies ont leur offre d'une part et d'autre. Comme c'est là, Nintendo, pour moi, torche pleinement les deux autres compagnies pour ce qui est de la valeur. Parce que ça coûte pas cher, une Wii U. Mm-hmm. Maintenant, ils offrent souvent deux jeux avec. Ils offrent souvent... ouais. Je pense que tu as des combos Nintendo Land, Mario Kart. Tu as des combos Super Mario 3D World avec New Super Mario Bros. Puis tu as même l'extension avec Luigi. C'est deux jeux que tu vas jouer longtemps, que tu veux. Ouais. Des fois, moi, ce que je trouve un peu plus difficile avec, mettons, la PS4, pas les bundles que je m'en fous. Oui. Je veux pas tes bundles. C'est ça. Un jeu, tu me le donnes, mais je le veux pas. Là, c'est que... Puis des fois, j'ai même littéralement l'impression que c'est des jeux qui vont se débarrasser. On va les écouler, on a imprimé un petit peu trop, je sais pas. Parce que la Vita, ils ont vraiment fait ça. Là. Ouais. Le bundle de Borderlands. Là. Moi, c'est c'est un code, premièrement. C'est un code téléchargeable. C'est un code. C'est pas comme s'il y en avait physiquement. Là, mais je le voulais pas. Je t'aurais dit, tu peux pas me le vendre 15$ de moins. Je le veux pas, Borderlands 2. J'ai essayé au PC. Puis, J'ai un ami qui était vraiment fâché quand il a acheté le bundle de Last of Us pour la PS4. Okay. Puis qu'il a vu le code. Tu sais, comme tu vois, tu ouvres ta boîte, puis là, tu as un petit carton avec un code. C'est comme, Chris! c'est 64 gigs d'une shot qu'il faut que tu mettes sur ta machine que tu viens d'acheter. Tu peux embrasser 64 gigs bye-bye parce que tu reviendras plus. C'est comme, tu y penses, si t'as pas un forfait illimité, oublie ça, 64 gigs, Caroline, ça fait mal. Ça fait mal, fait que... Tu t'en as un petit peu par mois. c'est ça. Sur le site de Vidéotron, tu checkes ton meter, tu vois, faut que j'arrête. Ouais. Moi, j'avoue que ça fait mal. Là, ça fait très mal. Mm-hmm. Mais tu sais, les offres sont intéressantes, mais pas autant. Je trouve que c'est tout le temps des... Puis une des erreurs, à mon avis, des compagnies qui font des bundles, c'est tout le temps mettre une Moses de console à thème. Genre une console verte. Mais il y en a qui aiment ça. Console de Call of Duty avec du camouflage puis des badges d'or dessus. Oh, mais il y en a qui aiment ça. Bruno, parce que toi, t'es pas le public cible, mais tu sais... Moi, j'avais l'Xbox One, camouflage, comme « Wow! » Ouais. C'est... Mais il me semble, un moment donné, là, OK, quand ton trip va passer, là, tu sais, comme un moment donné, là, peut-être que dans ta vie, t'aimais ça, les Burning Kid Ladies. Puis un moment donné, ça a commencé à être vraiment mauvais. Puis là, tu t'es rendu compte que personne n'en écoutait. Puis là, un moment donné, tu checkes ton bras, puis là, tu vois ton BNL avec une balle rouge, blanche et rouge. Pourquoi tu nous parles de ton adolescence? Hey, parce que... Les feux vécus, c'est ça qui marche dans la vie. Mais sérieusement, c'est que les goûts changent, OK? Ouais. Puis une console, c'est la même affaire. Pour moi, une console qui traverse bien le temps, c'est pas une console de collection. Mais si Dom était là, il mettrait son chapeau papa cassette. Puis il serait fâché. Une N64 Pikachu! Ça vaut super cher! Fait que là, tu sais, il dit... Néo dans la boutique, papacassette.com! Fait que là, c'est ça qui... c'est ça qu'il faut savoir, là. Fait que c'est comme... Ah, c'est la graine du collectionneur. Puis souvent, il y en a qui sont pas imprimés à... Il y en a qui sont cool, tu sais. Il y en a qui vont pas être imprimés à énormément d'exemplaires. Ah, il y en a qui sont juste poches, très nice. Il y en a qui s'en fout, t'as raison, là, tu sais. Ouais. Des affaires rouges, tu sais, à un moment donné... C'est parce que, sérieusement, la plupart sont assez dégueulasses, ouais, à mon avis. Je sais pas si tu te rappelles la Il y a celle de Batman qui est sortie qui est belle. Ouais, elle est belle. Mais la Wii U Wind Waker... Là, ça, c'était une arme! Non, elle est super cool. C'est une Wii U normale, mais elle a des petits dessins de Wind Waker dessus. Elle était pas bien même chère. C'était un bundle, ça, là. Ben, fait c'est ça. Mais aujourd'hui, elle vaut super cher. Elle était pas bien plus chère parce que, entre autres, quand tu regardais le gamepad avec les petits cossins dessus, là, ça aurait pu s'enlever avec un ongle. C'était pas... Ouais, c'était pas top, tu sais, c'est ça. Non, mais tu sais... C'est que tu n'as pas l'impression que tu as acheté quelque chose de... Wow! Tu as juste l'impression que tu as acheté de quoi... La personne qui l'a fait, elle regardait la console et faisait comme « Hmm, un sticker dessus. » Il met un sticker dessus, puis après ça, tout est correct. Ouais, mais c'est on plus un sentiment de genre, t'es spécial. Mettons, tu t'en vas au Starbucks, tu t'ajoutes un café, puis la fille, a dit « Je te donne un biscuit. » Il vaut 2$ son biscuit, mais tu vas te sentir vraiment spécial. C'est vrai. C'est la même chose pour le gamepad avec du petit dessiné. Tu sais, des fois, t'es juste « Ah, c'est spécial. » Ouais. Une manette rouge, tu sais. Fait que c'est ça que eux, ils vendent ce feeling-là, tu sais. Il y en a qui le recherchent. Il y en a qui veulent avoir l'air spécial. Okay. Bon, là, leurs amis vont arriver chez eux. « Hey, tabarnouche, c'est vert, cette console-là. » Ils sont comme « Yep, elle est vert parce que c'est le bundle Hulk. » C'est un jeu que tu veux jamais jouer. Mais oui, c'est ça. Attends de voir la manette. Ça, c'est comme la manette. De... C'était quoi? C'était la manette de Resident Evil 4 que c'était une chainsaw. Ça, vraiment, moi? Oui, oui. J'ai jamais vu cette affaire-là. Une manette que c'était une chainsaw. Ça, c'est assez, assez incroyable. Mais, non, mais c'est sûr qu'il y a un point de vue valeur, tu sais, je veux dire. Peut-être qu'il y a une valeur pour les collectionneurs, en effet, mais moi, personnellement, c'est ça. En fait, je les trouve pas tout le temps esthétiques, tu sais. Des fois, tu es comme moi. Voyons donc. Ça existe. Je vais te montrer à Nick, là. C'est fort que ça existe. Incroyable, wow. C'est cherchez ça, Resident Evil 4 controller. C'est une manette chainsaw, là. Comment tu fais pour jouer avec ça? Il y a comme un... C'est un gros... Il y a comme un stick un pied, dessus là, pour que ça tienne... Ça doit être... c'est assez incroyable. C'est une manette de GameCube, en fait. C'est ça. C'est une manette de GameCube pour Resident Evil 4. Ça, ça doit valoir une fortune. Ça doit valoir cher. Mais là, lui, il s'est donné. Ça, c'est le genre d'affaire. Tu sors à ton beau-frère, là. Puis là, il fait comme... Wow! Mais tu sais, si tu sors ta PS4, brune de Tomb Raider avec la corde dessus, personne va en vouloir, tu sais. Tu es obligé de la cacher à l'arrière de ta C'est ça. Où ta PS4? Ouais, là-bas. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait un deal. C'était... Tu sais, tu changes ton salon tout slick, là, il est blanc et noir, super design, là, brun. Tu sais, ça... Ah, je sais pas, ça marche moins. C'est comme une PS2 Banjo-Kazooie. Oui. Fait que bref, meilleure valeur pour moi, Wii U all the way. Ouais, ils réussissent tellement bien à nous vendre ça, ce console-là. À part pour communiquer c'est quoi la Wii U, ils la vendent très bien. Puis après ça, ben littéralement, l'avenir de ces consoles-là, selon nous. Ben moi, je dirais, en fait, je pense que la Xbox One et la PS4 sont sur un cycle qui a été amorcé. Ouais. Ça va prendre encore quelques années. Moi, je dis qu'il y a encore un bon 3 à 4 ans minimum avant qu'on entende parler du successeur. Là, ouais. Ils ont mis ça, ça a coûté un certain prix. Les gens n'ont pas encore maximisé le potentiel là, au niveau du graphiste. Ouais. Ils vont continuer à explorer et voir ce que ces machines-là peuvent faire. Les développeurs vont updater leur kit, je dirais, de développement. Ouais. Pour moi, je regarde la Wii U. T'sais, la Wii U est quand même... C'est une évolution, elle semble être une évolution logique de la Wii, qui est une évolution logique de la GameCube. Tu sais, même, ils doivent partager certaines composantes. Ben oui. Niveau graphique, on en a parlé un petit peu, elle n'est pas encore là. Non. Moi, je pense que cette console-là, tu sais, peut-être qu'elle a un 2 ans. Tu sais, il y a des projets, on entend parler de projets secrets Nintendo, ils travailleraient sur une autre console. Moi, je pense que c'est ça, peut-être un 2 ans. Oui. Ils vont finir le cycle avec leur grande franchise, ils vont sortir la Zelda, possiblement peut-être un port de Mario, pas un port, mais un vrai Mario Galaxy ou quelque chose. T'sais. Là, ils vont vraiment finir la boucle, puis quand ils auront terminé, je pense qu'ils vont être prêts à passer à autre chose. Fait que, d'après moi aussi. Je pense à un changement là, dans les prochaines années, alors que votre PS4 va rester là, pendant un petit bout. Là, oui, parce que les deux autres sont bien en place quand même. Je veux dire, la machine de base est fiable. Ouais. Tu sais, je vois pas vraiment, ben franchement, que ça change. Ben, c'est t'sais, ça va durer 10 ans. On est encore au point où si tu as un PC de gaming moyen de gamme, tu es encore moins bien équipé que ta console de salon. Ouais. C'est sûr que si tu vas dans l'autre gamme, ben là, tu vas juste détruire tout ce qui existe. Mais tu vas aussi vendre ton char, tu sais, pour acheter ta vidéo, fait que c'est ça que ça fait. Ouais. Alors, moi, je pense que, tu sais, eux sont encore en bonne position, tu sais, autant au niveau graphique que, tu sais, l'avenir. Puis, ils ont vraiment bien joué leur carte, leur magasin en ligne est établi, tu sais, ils ont des offres autour de ça. Fait que ça, mettons, peut-être un 4 ans, je dirais Nintendo 2 ans, tu sais. Mais j'ai vraiment hâte de voir le prochain move de Nintendo. Ben oui. Moi, j'espère fortement qu'il va être genre un killer, un genre de spec de malade. Et je pense que, étant donné que les deux autres développeurs ont été vers ça, grosso modo, c'est une architecture de PC, on ne se le cachera pas. C'est plus facile, ça coûte moins cher, les composantes sont disponibles. Oui. Je croirais que Nintendo irait vers ça. Là, ben c'est qu'il faut qu'il écoute les développeurs aussi à un moment donné, qu'ils arrêtent d'être bornés là-dessus. Puis, tu sais, t'écoutes les développeurs demandent un certain type de machine pour développer. Si tu veux embarquer les thirds avec toi, il me semble que c'est la meilleure façon de faire aussi. Ben, c'est ça. Embarquer les thirds, là, la bonne façon de faire, c'est vraiment, c'est-tu facile de porter ton jeu global sur ta console? Si la réponse est oui, le monde va y aller. Ils vont dire, si ça coûte cher, comme présentement la Wii U, c'est un effort spécial, spécifique. Ouais. C'était correct avec la PS3, la Xbox 360, les gens pouvaient faire part de la Wii U. Mm-hmm. On en a vu plusieurs. DeusEx était sorti. Ouais. Le Mass Effect, il y avait des... d'autres titres comme ça qui ont été des ports, en fait. Oui. Mais là, il va vraiment falloir qu'ils arrivent avec quelque chose qu'on peut se dire, bon, ben je presse un bouton, j'ai trois jeux. Ouais, trois consoles, tu sais, fait que c'est pas aussi simple que ça, mais grosso modo, que ce soit des machines de puissance équivalente, ou même encore là, plus fort. Puis ça sera juste ça sera intéressant. Trop malade, moi, j'aimerais ça voir, tu sais, genre... Qui arrive à trois, tu sais, genre... Ah, oh, shit! Moi, c'est la nouvelle console. Ouais. 1608 bits! In your face! Oui, c'est ça. 4000 frames secondes. Ton œil voit rien. Ton œil saigne. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On te rend aveugle. Reggie dit « Suck it, Sony and Microsoft! » C'est vraiment violent. Ouais, il fait une danse. Mais non, moi, je m'attends à des grandes choses au E3, sérieusement. Mais c'est pas mal certain, en fait, qu'ils vont parler de ça. Quand ils vont pas rien montrer, mais qu'ils vont en parler. Il y avait il y avait eu des rumeurs qui en parleraient. Pas montrer de prototype ni whatever, mais juste en parler. Ouais, il y a plein de rumeurs présentement là, au sujet de Nintendo, les prochains. Si vous allez voir le web, là, toutes sortes d'affaires saugrenues. Là. Oui. Plus ou moins fondées, mais ouais. Le E3, ça va être intéressant. On va retenir notre souffle. On va regarder qu'est-ce qui sort de là. Puis, de toute façon, je pense que tout le monde a quelque chose à prouver présentement. Là, fait, oui. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Quand même. Fait que avec tout ça, quelle est ta meilleure console dans les trois consoles? Moi, présentement, ce que je joue plus, c'est la Wii U. Ouais. Fait que, tu sais, en deuxième, je dirais que c'est la PS4. La PS4, je sais que dans les années qui s'en viennent, mon nombre d'heures investies va augmenter de façon exponentielle. Et la Xbox One, ben, ultimement, je sais que je vais acquérir une Xbox One. Oui. Mais possiblement, quand on va être plus avancé dans son cycle de vie, je vais juste aller en chercher une là, quand on aura un deal du Boxing Day à 250$. Donc, mais c'est pas il n'arrête pas de faire des deals en plus. Ouais, là, fait que... Non, mais déjà, ils sont agressifs. Fait que, moi, je me dis peut-être dans un an et demi, je vais avoir ma Xbox One. Ouais, ça va. Moi, c'est la PS4 en premier parce que c'est là-dessus que je passe vraiment le plus de temps. Mm-hmm. Pour multiples raisons, vraiment, le type de jeu, tout ça. Sérieusement, si ce n'était que de la manette, j'aurais pu me retrouver du côté de la Xbox One aussi parce que les jeux auxquels je joue se retrouvent sur les deux consoles la plupart du temps, tu sais. Mais c'est ça, la PS4, c'est vraiment mon meilleur choix. La Wii U, je joue énormément. Le seul problème que j'ai avec la Wii U au niveau jeu, c'est que sur PS4, il y a plus de jeux qui sortent, en fait. Puis comme je suis un joueur qui consommateur joue, de jeux. Consommateur, vraiment, là. J'en consomme beaucoup, puis... Fait que, vu que j'en consomme beaucoup, quand j'arrive sur la Wii U, ben au final, je me retrouve souvent, ce qui n'est pas mauvais, je me retrouve souvent à acheter des jeux sur la console virtuelle, tu sais, de rejouer à des vieux jeux, tout ça. Chose que j'aime beaucoup, de toute façon, parce que ça me permet de jouer sur le gamepad, puis tout, je trouve ça vraiment trippant, tu sais. Ouais. Ça me permet de faire découvrir aussi à mes enfants ces jeux-là, parce que, c'est ça, il y en a certains que j'ai en vraie copie physique rétro, puis je les fais jouer sur une vraie NES ou une vraie Super NES. Mais il y en a que tu veux pas qu'ils touchent à ta cartouche. Ouais, c'est ça. Tu touches pas à ça. Joue à la version virtuelle. Ouais, c'est ça. Joue à la version virtuelle, là. Hein, ouais. Fait que. Hey, oui, puis je voulais dire ça à tout le monde. Mon pire Mario à vie, moi, c'est Super Mario 64. Je l'ai racheté. Je me suis dit, je vais y redonner une autre run, tu sais, puis on verra bien. Fait que je l'ai racheté. Je trouve ça aussi mauvais qu'avant. Je trouve ça vraiment pas bon. Mais je me suis dit, mon gars, c'est un fan fini de Mario. Je l'ai fait jouer à Mario 64. Eh bien, c'est son pire Mario, lui, avec. Ah ben, tabarnouche. Est-ce que c'est son premier Mario 3D? Non. Ah! Il torche à 3D World, là. OK. Il me torche. Okay. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Fait que c'est ça. Ben, de toute façon, les enfants, ils ont tous une même rétention, une meilleure rétention que nous autres. Là. Ouais, l'apprentissage. Eux autres, ils retiennent les détails là-dedans, ça n'a aucun sens. Là. Puis nous autres, ben, on passe à. Justement, je consomme trop de jeux, fait qu'à un moment donné, ouais. J'en perds les bouts. Là. Ah, tu joues, tu regardes, c'est qui le dos avec une moustache? Ouais, c'est ça. Ben oui. Comme dernièrement, il me demande tout le temps de raconter des histoires dans le char, c'est tout le temps des histoires de Mario. Puis là, il me dit, raconte-moi l'histoire de Mario avec la plume. Je dis, j'ai pas de plume dans Mario. Là, finalement, je me rappelle, j'ai dit, Colin, ben oui, dans Super Mario World, t'as une plume, puis ouais. T'as une cape, puis tu peux voler. Ouais. Ben, lui, c'est parce qu'à Super Mario World, je m'en étais pas rendu compte, mais il est comme rendu assez bon là-dedans. Fait que là, j'étais tabarnouche. Fait que là, c'est mon gars qui m'apprend des leçons de vie sur Mario. Non, mais... Une belle page d'histoire. Ouais, c'est bien. Fait que... Sur ça, en fait, c'est ça. On est mitigé. Fait que sur la PS4, la Wii U, c'est deux très bonnes consoles. Mais tu sais, en termes de longévité, je pense que quelqu'un qui n'a aucune console présentement devrait aller avec la PS4 s'il compte en acheter une. Parce que là, la Wii U, en tout cas, dans les prochains mois, peut-être qu'on va en savoir plus sur les plans du futur. Mais là, pour l'instant, tu sais, t'achètes une console. Tu veux-tu acheter une console si tu sais que dans 5 ans, ça ne sera pas la même affaire? Tu sais, tu peux hésiter. Ben, en même temps, tu peux aussi utiliser l'argument qu'il y a beaucoup de jeux disponibles. Exact. Il y a quand même beaucoup de trucs qui s'en viennent. Fait que, moi, je dis c'est vraiment, allez-y avec identifiez 3-4 jeux exclusifs qui vous plaisent, puis allez-y avec cette console-là. Puis ça va être le bon choix pour vous. Là. Ça, c'est vrai. C'est tous des produits de qualité. Là. Je te dirais que. On a oublié de parler de la Ouya aussi, qui est un des gros joueurs. Ben oui. Fait que on gardera ça pour un autre épisode. D'ailleurs, eux autres, ils font plus de pub à rien. Hein. C'est juste que. Bien sûr, là, je pense qu'ils ont abandonné. En fait, il y a peut-être une production encore d'Ouya, mais. Towerfall est sorti sur PS4. On va juste arrêter d'en parler. C'est le jeu, tu sais. Qui poignait. Fait que je sais pas. Ben écoute, on va c'est voir. Triste. Moi, je donne 2 ans avant un nouveau projet crowdfundé qui va sortir. Vous allez dire, hey, la grosse hype machine. Exact. Que ça fasse un peu la même chose encore. La hype machine. Ça serait cool si ça s'appelle de même. On passe ça. The hype machine. Hype machine de vaporware. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, c'était ici. Oh, attends, on est rendu à la conclusion. J'ai une musique spéciale pour ça. Oui, monsieur. Mais c'est ça, c'était notre le premier épisode de toute l'histoire de Rétro Nouveau sans Dominique Bourret. C'est gros quand même comme événement. Ouais. On lui souhaite un prompt rétablissement. Oui. Il chattait. Puis... Alors, on aurait aimé que tu sois avec nous. Tu nous as manqué, Dom. Ouais. La camisole nous manque en ce moment. Tu nous manques énormément. Ouais. Tes rottes, tes blagues douteuses. Ton humour à couper au couteau. Surtout, fantastique. Mais surtout, ces critiques. Des critiques, oui. Prochaine fois, peut-être, t'en feras 2-3 de plus. Là. Ben oui. Oui, c'est vrai, il va falloir balancer la prochaine fois. On va écouter Dom parler. Oui, c'est ça. On va les aller pendant une heure. Fait que, en tout cas, salut, c'était un excellent épisode, mais attends, GF, je vois que t'as une nouvelle console. Ouais, mais je comprends pas trop, il y a un piton rouge qui flash, là, celle-là. Ah ouais, attends un peu. Non, touche pas!